IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Floodcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Oh, bon, ça va ou quoi? Ouais. Ok. Ouais. Bonsoir, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de charmants invités. Le premier, il est auteur, réalisateur, comédien et même dessinateur. Vous avez pu le voir dans Le Monde à l'envers ou bien La Vie douce. Il co-écrit, co-réalise le film Stéphane avec Timothée Hochet, dans lequel il interprète le dit Stéphane. C'est une comédie de genre tournée en found footage qu'on devrait voir cette année, on l'espère, ou peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Son nom, c'est quasi l'anagramme de Tu Partouza. C'est vrai, je vraie recherche que j'ai fait. C'est Lucas Pastor. Ah oh oui, bonsoir. Bonsoir. Je t'ai appris quelque chose sur l'anagramme. Comment? Bah vu que j'en ai pas un. Si presque, il manque une lettre. Il Partouza, c'est ça? Tu Partouza. Ah, Tu Partouza. Mais ouais. Le L. Lucas. Oui, mais le dans Tu Partouza. Lucas. Bah c'est la lettre en question. Ah d'accord. Okay. Ouais, voilà, tout simplement. Mmh. Tout le reste ça marche. Je connais rien. T'as dû faire en dernier celui-là. Hein? Non les autres. Non, c'est ça qui était. Ah, okay. Scénariste et showrunner de Groom ou bien des tutos, on lui doit Les Belles Années de Joe Bagel et une note de 4,7 sur Google Avis. Vous pouvez d'ailleurs continuer à le noter sur Google, il est quand même ouvert 24h sur 24, sauf le samedi et le dimanche, de rue de l'Indre dans le 20e. Timothée d'ailleurs a laissé un commentaire également, a donné son avis sur Axel Malivernet. C'est vachement bien. Adrien également, Lucas, je t'invite à le faire un moment dans l'émission. C'est Axel Malivernet. Oui. Bonsoir. Rappelez-moi d'ajouter des trucs sur ma filmographie. Récent. Scénariste réalisateur, il est derrière la série Calls, il coécrit et co-écrit. Good Calls. Oui, oui. Pas mal celle-là. Pas mal. Si, elle est bien. Il coécrit et. Pardon, tu m'as fait perdre ma ligne. Il coécrit et co-réalise le film Stéphane avec Lucas Pastor. Si nos regards de bébé ont du mal à se concentrer, il est le Hochet qui se remue pour nous divertir. C'est Timothée Hochet. Ouais. Pas mal. Il aura un applaudissement sur ça. Personne applaudit. Pardon, étrange. Il est le Hochet. Timothée Hochet. Oui, le jouet. Hein? Oui, comme pour les bébés. Bah, ça, en ce moment, tu as un enfant, ouais. Ouais, alors en ce moment, c'est ça. J'ai le plus beau rôle de ma vie. C'est bon, il acquiesce, il a hoché la tête. Oh là là. Si je l'ai fait, je l'ai fait. À chaque fois, ouais. Bon, Adrien, je te présente pas. Ouais. Yes. Je suis vexé à mourir. On commence avec les news du Floodcast. Un petit garçon belge du nom de Léon. Ce qui est drôle, puisque ce qui vient de Bruxelles. Les moules. Le Lucas. Restaurant. Oui, les moules. Les moules. Léon de Bruxelles, les moules. Réveille-toi en fait. A décroché. Alors, un peu de coca. Il a décroché un record lié au Covid. A votre avis, lequel? Le plus jeune atteint de Covid. Non. Le nombre de fois où il l'a chopé. Alors, c'est pas le nombre de fois où il l'a chopé, mais t'es plus proche qu'Adrien. On connaît l'âge. C'est pas une compétition. C'est une compète. C'est pas un jeu où on est tous les uns contre les autres. C'est carrément une compète. L'âge du jeune belge, alors attends, je regarde. Ça n'a pas. Enfin voilà, ça va pas spécialement t'aider. Je sais qu'il est jeune. Il a 11 ans. Voilà. Le nombre de vaccins. Pas le nombre de vaccins. Le nombre de jours entre les deux tests, entre deux tests positifs. Pas du tout. Lucas? Ah non, le nombre de jours où il a eu le Covid en fait. Non, pas le nombre de jours où il a eu le Covid. On peut d'ailleurs rassurer les gens, il n'a pas eu de forme grave du Covid. Voilà. Ça les rassure peut-être pas. Si, ça les rassure parce que tout le monde était comme ça. Le nombre de jours où il s'est inventé un Covid long pour faire son intéressant. Tu vois qu'il y a des enfants qui font ça, qui mentent. Des enfants, non, des gens sur Twitter, je pense. Oh, il tire. Ah non, mais attention. Non, mais voilà. Il a une calage dans la main, le mec. Donc ce n'est pas ça. C'est pas un Covid long, c'est une dépression. Mon micro sent la pâte à modeler. Voilà. Je vous ai dit pas la pâte à modeler, c'est le P. C'était pas le micro. Ah, mais c'est oui, les contenus, c'est le micro d'Evix. Ouais, ouais. Okay, okay. Ouais, ouais. Ah, oui. On l'a jamais désinfecté, c'est une relique en fait. C'est un honneur. Non, okay. Mais potentiellement, tu sais que c'est de la pâte à modeler de votre propre tournage. Parce que c'était enfermé dans le même endroit. Donc ça se trouve, c'est de la pâte à modeler à vous. Je la reconnais. Je n'en dis pas plus. Donc ce n'est pas tout ce que vous avez dit. Est-ce que c'est un truc sur la durée? Une question de durée? Non, c'est plutôt un truc de répétition. Il a eu le Covid. Il a eu le Covid. Il a eu le Covid plusieurs fois. Mais il a quelque chose que peu de gens. Il a eu tous les variants. Ah oui. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. À 11 ans, il a attrapé Alpha, Delta et Omicron. Dans cet ordre. Son histoire a été révélée mi-janvier par la radio belge Radio 2. C'est le père du jeune garçon qui a relaté l'histoire incongrue de son fils et par extension de toute la famille depuis le début de la crise sanitaire. L'enfant a en effet contracté 3 fois le coronavirus, à chaque fois d'un variant différent. Mais on c'est peut savoir quel variant on a ? Ouais, apparemment. Ah ouais ? Ah ouais, comment on fait ? C'est comme des cartes que tu connais. C'est trop cool de tous les avoir, quoi. Ouais, bah d'ailleurs, lui, il est grave populaire. Dans du son coup, collège. Il a eu un Covid brillant en plus. Shiny, ouais. T'allais dire quoi, Axel ? Non, il me semble que quand tu fais une prise de sang, t'as le détail et t'as le reste d'anticorps, etc. Ah ouais ? Et ouais, tu peux même savoir. Je fais pas de vanne. C'est bien, tu t'es assumé. Oh, tu tousses ! C'est le Covid ou quoi ? Ouais, je te jure. Ah, c'est vraiment ? Aïe. Un SDF de Rennes a touché 100 000 euros. À votre avis, comment ? Il les a juste touchés. L'auto. Non, pas il l'auto. Il a récupéré un ticket à gratter par terre ? Pas du tout, mais ça aurait pu être ça. Non, très beau je film. Déteste ce jeu. Il a créé. Bah, Lucas, non. C'est bon. Non, non, quoi, oui, mais c'est drôle. C'est drôle. Je m'amuse, c'est bon. Allez, on continue. Il a créé des NFT. Non, il n'a pas créé d'NFT. Casino. Pas au casino. Il est allé au géant casino. Ok. Ouais, non, oui. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Est-ce qu'il a trouvé un objet perdu? Il est allé le rendre au propriétaire et lui a dit en récompense voilà 100 000 euros. Non. Si. Très je pense. Sympa. C'est ça. Ouais. Bonne réponse d'Adrien. Il a tout simplement tué quelqu'un et lui a pris son argent. Alors ce n'est pas ça, mais c'est lié à quelqu'un d'autre. Quelqu'un l'a aidé à récupérer ses 100 000 euros. Ah. Ah voilà. Non, il a fait une bonne action. Et alors il a pas fait spécialement de bonne action. Est-ce que c'est enfin, si peut-être, mais pas, c'est pas ça qui lui a fait avoir 100 000 euros. Est-ce que c'est une somme d'argent qui lui appartenait de droit et qui dormait et il y a quelqu'un qui a tiré des ficelles et il a dit attends, regarde. Il y a de ça. T'as 100 000 euros d'intérêt sur ton livret A depuis 50 ans que t'es SDF. qu'est-ce que alors, tu dors dans la rue ouais. Alors que le livret A, en plus, le plafond est bas normalement. Ah ouais, mais non, non, mais alors il y a de ça, c'est presque ça. Je peux même potentiellement te l'accorder, mais... Un héritage ? Un héritage, mais qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Une personne est morte. Ouais. Et... Non, ça c'est la définition d'héritage. Une princesse est morte, KDD. Non, non, en fait, je vais vous raconter la petite histoire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un généalogiste qui a fait des recherches, tout simplement, sur un monsieur décédé. Jean-René Ladurée est un généalogiste. Ah, quoi ? Il est héritier des macarons Ladurée, tout simplement. Alors lui, c'est le généalogiste, pour le coup. Ah, bah, c'est pas le gars qui a le... Mais le généalogiste... Est-ce qu'il est généalogiste SDF ? Non, ça c'est marrant parce qu'il étudie les familles sur la durée. Oh. C'est pas mal ça. Si. Ouais, je me suis rattrapé. Ah oh, ouais, pas mal. Pas la peine de faire cette gueule, Lucas. Lucas a adoré. Ouais. Vraiment, c'est. C'est pas du Thierry Pastor, mais c'est pas mal quand même. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça, moi. Thierry Pastor, tu connais ? Bah, il est de sa famille donc. Non, il est pas. Mais potentiellement, en fait, ma famille ne sait pas s'il fait partie de la famille. Mais il y a des points de connexion, j'ai envie de dire. Ah, donc si, quand même. Peut-être, potentiellement. C'est un peu un coup de folie, tout ça. T'en sais pas grand-chose. Oui ou non, en fait. Qui j'en sais est rien, Thierry Pastor. J'ai pas fait de recherche là-dessus. C'est un chanteur. Un coup de folie, tu connais pas. T'as compris. Ah, ok, bah si. Papa, coup de folie, t'as rien compris. Folie. Compris. Le son de ton micro est un peu fort. Ah ok, pardon. Pour quand tu chantes, je trouve. Ah ok, pardon. Donc, la belle histoire. La tête de l'étude généalogique Audibert Ladurée, le Mayennais avait été missionné par un notaire pour retrouver les héritiers d'un homme décédé. En menant ses recherches avec son associé, Jean-René Ladurée avait fini par retrouver la trace du fils du défunt. Ce dernier vivait dans la précarité à Rennes, où il était sans domicile fixe et ignorait que son père était décédé. Le généalogiste avait pu lui remettre un chèque de 100 000 euros. Issu de l'héritage de son père. Il n'a pas de compte en banque, mais c'est dommage. Mais il a la même passion, je crois. C'est ce qu'on peut lui dire. La Turquie souhaiterait changer son nom à l'international. Tu l'as vu passer ? Ah, ok. La Turquie souhaiterait changer son nom à l'international. Vous savez que les pays ont un nom à l'international. C'est pour ça qu'on dit la Hollande, mais que c'est aussi Netherlands. Enfin, les Pays-Bas. Pays-Bas. Tout Hollande. Oui, bah oui. Ouais, bah ouais. La Lande. Blablacar, non ? Non. Donc, ils ont décidé de changer de nom, à votre avis, pourquoi ? Ah, pourquoi ? Ah, oui, à quelle raison ? Oh, bah. Alors, déjà, il faut. Leur nom international qui est Turkey ? Turkey. Ok. Voilà. Pour être référencé sur Google. Alors, non. Sans vouloir te manquer de respect. Oui, non, non, une fois, je l'ai senti. Une fois que t'as trouvé le nom, du coup, c'est simple. Ça peut aider. Parce que ça ressemble à un animal. Voilà. Ça ressemble exactement. C'est pas que ça ressemble, c'est que c'est le même mot. C'est le mot pour dire dinde ouais. En anglais. Ah oui, pas con. Et donc, ils en ont tout simplement marre d'être comparés à des dindes. C'est Erdogan carrément qui a dit quand même, c'est pas très respectueux, c'est le nom d'une dinde. Genre, on est des dindes, ils ont dit. Et maintenant, c'est Turquie. Ah, donc ça a été adopté. Bah, non, lui, il veut que ce soit ça. Turquie. T-U-Tréma. R-K-I-E-E. Y-E. Non. Ouais. C'est ça. Peut-être que ça marchait un peu quand même mon truc de référencement parce que. Mais pour moi t'as le point. Hein. Ouais, j'ai le point. Ouais. Okay. c'est tout ce qui m'importe. Non, c'est bon. Mais t'as okay, j'ai l'impression gagner, de l'avoir, mais. non, t'as perdu. Une Texane a été arrêtée dans un supermarché Walmart. À votre avis, pourquoi? Elle a chié. Elle a volé quelque chose. Non, elle a quoi? Elle a volé quelque chose. Elle n'a rien volé. Basique. Non, mais t'as raison. Elle n'a rien volé. Alors, elle n'a rien volé. Elle a agressé personne. Elle a hurlé. Elle a agressé personne. Est-ce qu'elle a étranglé un labrador qui bossait au Walmart? Non. Mais genre caissier, un labrador. Ouais. Attends, elle a été arrêtée, tu dis, c'est ça? Elle a été arrêtée. Elle mangeait? Non. Tout? Non. Elle a dormi dedans pendant plusieurs jours? Elle n'a pas dormi dedans. Elle a fait une proposition. Elle a hurlé? Elle a pas hurlé. Elle a chanté? Elle a pas chanté. Pour oublier quoi? Elle a dansé? Non. T'essayes plein de verbes. J'aurais pas dû prendre ce coca. Non, elle a survolté maintenant. Elle a fait une proposition indécente. Je peux pas vous. Sucer à un mec. Non. Non, bah quoi? Oh, Lucas s'est étouffé. Il a dit sucer. C'est un rapport avec le sexe quand même. Il a dit sucer. C'est quand même en rapport avec le sexe. Non, pas du tout. Bah, indécente. Bah, non, oui, bah si. Ça peut être elle a proposé un échange au lieu de donner de la monnaie. Enfin, je veux dire. Des photos dès la poêle, elle vendait. Dindon, je dis dindon parce qu'on en parle juste avant. Le cerveau pourri. Arrête. Vous êtes les premières personnes à qui je parle de la journée. Non, mais elle a fait une proposition. Des photos d'elle nues. Non, pas des photos d'elle. Il est sur le cul, Adrien. Est-ce que tu peux écarter cette option? Il n'y a pas de sexe. Voilà. C'est pas forcément sexuel, le corps d'une femme. Une photo de ton cul en échange. Instagram qui censure les seins des femmes et pas des hommes. Tu, okay, excuse-moi, t'es woke. En fait, je suis un allié. Est-ce qu'elle voulait un job? Non. Non, elle a vu quelque chose qui l'intéressait, elle l'a réclamé. Elle voulait un truc dans un lot de plusieurs trucs. Elle voulait acheter. Elle dit je veux pas un lot de 4, j'en veux un seul. C'est ça. Un Kinder Bueno. Non, c'est pas ça. Elle voulait acheter le gérant. Non, tu es peut-être le plus proche. Un vendeur. Non. Elle voulait devenir PDG du Walmart, manager. Non, on peut pas acheter une personne, dis-tu. Et pourtant. Non, mais c'est ça qu'elle a essayé de faire. C'est ça, elle a essayé d'acheter quelqu'un. C'est pas vrai. Aïe. Un client. Un enfant. Non. Dans très bonne réponse. Quoi? De Timothée Auchet. Je vous raconte cette petite histoire qui a lieu au Texas. Oh les ricains. Oh, je te jure. Non mais là-bas. Attends, c'est toute une mentalité. Hein. Une femme de 49 ans a été arrêtée et doit maintenant, pour sortir de la prison de Houston, payer 50 000 euros. Attends, elle a été emprisonnée pour ça? Emprisonnée. Juste pour proposer? Alors. Oui. Avec insistance. Ça fait peut-être. Pas de mal. Elle a peut-être peut-être qu'elle l'a pris. Elle a dit je vous donne de l'argent contre. Il est dans mon coffre de toute façon donc. Elle a commencé par commenter l'apparence de l'enfant à une mère en disant oh bah dis donc il a des jolis cheveux blonds, il a des beaux yeux bleus. Et combien? Non, combien? Et sur le thème de le ton de la plaisanterie, elle a dit mais vous vendriez combien par exemple si bon imaginons hein, si quelqu'un veut l'acheter. La tôle. Avant direct. L'a fait 911. Elle a ensuite dit qu'elle avait dans sa voiture 250 000 euros. Et qu'elle était prête à payer autant pour lui. Mais la mère a répondu, c'est pas une question d'argent. On peut la comprendre. Elle a ensuite demandé, elle a dit à la police effectivement que la personne l'a suivie et qu'une autre femme est allée l'intercepter. Je traduis un peu en direct. Hein, ça ouais, bien sûr. Elle a été l'intercepter pour demander le nom de l'enfant. Là, ça devient un petit peu. Attends, il y a eu deux meufs différentes. Ouais, une deuxième a commencé à machin. C'était un prank, malheureusement. Les deux étaient interprétés par Greg Guillotin avec une perruque. Donc voilà, la personne, donc Madame Taylor, a commencé à hurler à la mère en disant que si elle ne voulait pas les 250 000 euros, elle lui donnerait 500 000 euros parce qu'elle le veut absolument lui et qu'elle l'aurait quoi qu'il en coûte. Oh là là, c'est à ce moment-là où la police a pu intervenir, puisque dans ce cas-là, c'est plus ou moins. Je comprends la tôle du coup. Ouais. Mais c'est en gros, c'est harcèlement. Oui, je pense que c'est ça. The Texas Penal Code dit que la personne a été condamnée. Un peu culottée, ils ont dit, je crois. Ouais. Oui, non, c'est ça, exactement. C'est du harcèlement. Okay. Peut-être qu'elle vient du futur et qu'elle a vu grandir cette personne qui est devenue vraiment très très importante. C'est ça, elle voulait tuer Hitler quand il était bébé. C'est ça. Ah oui, c'est mieux. Ah, c'est un ping-pong, Timothée. Pouvez-vous me dire qui est Stéphanie Matto? Non. Alors, bien sûr. C'est non. Mais c'est très large, vous pouvez poser des questions, bien sûr. Une actrice? Pas une actrice. Alors. Non, c'est pas une actrice. C'est un domaine artistique. Pas vraiment artistique. Mais elle a fait de la télévision. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? Mais oui, mais t'es drogué, Je répondais à un texto pour le travail. Ah, oh, mais c'est pour le travail de quoi? Je vous jure. Ah, bah, je, tourne avec ce man demain. Et le réel, il est pas sur son téléphone comme par hasard. Ouais, non, mais je suis en stress. Ah, mais d'accord, constant. Alors, je posais la question, qui est Stéphanie Matteau? Stéphanie Matteau? Bien sûr. Une influenceuse. C'est une influenceuse. Oui, mais virtuelle. Oui. C'est vrai? Elle n'existe pas? Bah, je sais pas. Non, elle existe. Ah, pardon, d'accord. Virtuel, je croyais... Non, mais parce que virtuel, je croyais que c'était genre pour dire elle travaille sur internet, donc je croyais que c'était une blague. Oui, non, mais non. Non, c'est une... elle est bien réelle, elle existe. Elle vend ses paix. Mais. Attends, c'est vrai? Non, c'est ça. Ah, vous saviez pas? Ah, pardon, je pensais que vous l'aviez vu. Parce... Autant pour moi. Non, mais parce que... Attends, t'as deviné ça? Bah non, mais j'ai dû sans doute voir un truc, mais bah et puis après je connais le flow. Toi, tu connais la maison. Ouais, tu connais. C'était soit sa pisse, soit ses pères, soit lâché dans la bouche d'un mec, enfin c'est il y a pas 36 000 une dame qui a acheté un enfant quand même. C'est vrai. Autre chose. En gros, c'est une star de télé-réalité qui faisait des contenus dits pour adultes et là elle a continué à faire parler d'elle, en vendant ses paix. Si cela prête au rire, elle a tout de même réalisé près de 200 000 euros de ventes en quelques semaines. C'est pas vrai. Les premiers bocaux, cher, parce qu'en fait, elle pète dans des bocaux et Même pas PayPal et tout. Ils vont PayPal. Oh non, mais... Excellent. Si. C'est joli ça. Si. C'est même pas fait exprès. Hein. Oh là là. Un Lydie Prout. Non, ça marche moins. Mais elle marche moins. Je l'ai senti. C'est bon. Donc les premiers bocaux étaient vendus au prix de $500. Lydie Arrêt. Oui. Merci, au revoir. Oh putain, bien joué. Génial. Du cacache, sinon. Oh, non, oui, alors, ça, franchement. pardon. Désolé, Lucas. J'en veux encore 5. Vous les sentez quand vous voulez, mais je les veux. Okay. Donc, les premiers bocaux étaient vendus au prix de $500. Axel, merde. Oui. Oh, non, je jouais plus, là. J'étais. Excuse-moi, Axel. Y'a pas de soucis. C'était par rapport à la chanteuse. Non, mais c'est. Axel Red. On rit. Oh, et avant. Non, mais parce que là, vous. Tu étais au chier. Bon, franchement, on va faire ça. Bon, ça, c'est ma préférée. Adrien Merdiel. Ouais, bien sûr. Donc, ils ont passé à $1,000. Maintenant. Et au début, ils étaient à. Vous m'écoutez pas. Vous. On cherche. Évidemment. Donc, ils étaient à 500, ils sont passés à $1,000. Donc, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Que lui a permis d'autre, enfin voilà, cette influenceuse, grâce au fait de vendre ses paix dans des bocaux, je le rappelle. Elle fait ça voilà, dans des bons comptes, à côté d'un menuisier. Les petits bocaux, le parfait là, ceux qui ferment avec le. Oui, voilà, c'est ça, là, exactement. Le petit jouet en silicone. Après, ah bah mais, oui, mais sinon, ça reste de... pas. Hein. Oui, c'est ça, mais un bocau de paix, tu l'ouvres et après, bah ça y est, ça disparaît à tout jamais. Oui, tu fais quoi? Ils se touchent la nouille quand ils ouvrent et puis ensuite ils se. Tu vois? Non. Je sais pas. Ah, peut-être, ah bah peut-être, l'histoire ne le dit pas. Je n'imagine que non, ça. Non, mais une fois que quand tu l'achètes, après tu peux le garder en déco. Oui, je pense que c'est comme les jouets de collection, tu vois, si t'enlèves le blister, ça perd toute sa valeur. Tu peux surtout pas l'ouvrir, je pense. D'ailleurs, vaut mieux les acheter en deux fois. Un que tu sens et l'autre que tu gardes dans son bocal. Ouais, mais tu vois, il y a le truc de. Ce sera pas forcément c'est exactement vrai. La même odeur, donc il y a un peu un truc. De... Pas le même plat. C'est un peu. Ah, j'en ai acheté 8 du coup. Non, c'est pas... J'ai Timothy Chalapet. Je sais pas si ça compte. Oui. On voit comment t'as fait le chemin en plus. Bah, il y a Timothée Hochet, après t'es allé sur Chalamet. Non, mais c'est pas mal. Donc en gros, vu qu'elle a changé d'alimentation, elle dit. Lucas chiasse fort. Bon, là je vais y aller parce que c'est pas par rapport à une célébrité. Là, c'est juste... bah, lui qui a dit une célébrité, mais tout, jusqu'à présent on faisait les gens autour de la table. Non, mais là franchement. Tu sais ça. Il boude. Ouais, mais putain, c'est le rêve quand même d'avoir. Si je pouvais vendre mes paix, mais ce serait. Mais attends, mec, qu'est-ce qui t'en empêche? Je pense. Est-ce que t'as vu le succès du merch? C'est autosuffisant. Les gens, oui, voilà, les gens nous disent on est passé à côté. Vendons tes paix dans des bocaux. C'est vrai, c'est pas un Audi, mais bon. C'est pas mal, je pense. Et tu peux le dédicacer. Avec quand même un petit sticker, tu vois. Oui, au cas où. Non, mais. Oui. En plus, je me suis acheté une petite imprimante là, où je peux faire mes stickers et tout. Donc, je peux mettre genre la date sur ce que j'ai mangé et tout. T'as acheté ça où? Pas Amazon en tout cas, parce que vous savez comment ils traitent leurs employés, donc pas Amazon. Non, t'as été dans une boutique. Ouais, une boutique d'une petite imprimante. Qui s'appelle Imprime World. Un homme avec une terrible malformation a enfin été opéré. Quelle était cette malformation? C'est au niveau du crâne? C'était pas au niveau du crâne. Bon, c'est entre les jambes. Non, c'est pas entre les jambes. Au niveau du cul. Non. C'était pas entre les jambes. Est-ce qu'il y avait un truc en plus que le nombre normal de trucs qu'on a? Bah quoi? Ah oui, non. Est-ce qu'il y a trois pieds ou... Non. Est-ce que c'est au niveau des organes internes? Non, c'est plutôt des organes externes. Le nez? C'est le nez. Qu'est-ce qu'un organe externe? Il n'avait qu'une urine. Le nez. J'ai dit au niveau de la tête, non? Ouais, c'est vrai. Au niveau du crâne, t'as dit crâne. Ouais, ouais. Non, pas de grappiller. Non, mais je veux juste pas m'embrouiller. Mais j'ai vu que tu sentais. Non, c'est au niveau du nez. Ok. Trois narines. Bah, c'est pas toi déjà. Ah oui, parce que j'ai un nez atroce. Oh, non, bah oui, bah si. Il est pas atroce, il est. Herculéen. Non, il est. Non, il est beau, mais il est gros. Il est beau, il est gros, le lavabo. C'est vrai. Bien sûr. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'elle était cette malformation du nez? Il était très pointu. À en blesser les gens, coupant. C'est Cyrano le gars. petite trèfle littéraire, je sais pas si vous l'avez. C'est raquette, le nez pointu comme une fléchette, je crois. C'est un des deux. Bien galbé comme une raquette. Oui, bien sûr. Non, c'est pas ça. Gaston la chiasse. Oh, putain. Je croyais qu'on répondait à la question. On dit quoi depuis tout à l'heure? Si, c'est très bien. On est passé à autre nez. Chose. Oui, déformation de nez. Au nez, ah, oui, oui. Une déformation. Par rapport au nombre de narines? Non, il a bien deux narines, mais voilà. C'est un truc d'apparence. Elles sont pas placées au bon endroit. C'est genre, elles sont sur le front. Par exemple. Non. Il était immense, juste? Non. Non, sinon. C'est une malformation, vraiment? Ouais, l'anecdote serait un peu. Il avait une barbe sur le nez. Pas mal. Le nez recouvert de poils. Non. Non, c'est vraiment une forme, c'est par rapport à la forme. C'est la forme, ça fait la forme d'un truc. Une bite? J'en ai creusé un. Alors, ah oui? Ah, pour de vrai. Ah, bah, est-ce que c'était ce monsieur? Raconte-nous quand même. Ah non, bon, oui. Ah non. Mais là, c'est une verrue. Mais franchement. Ah oui, là, il y a un nez en forme de pénis. Franchement, c'était pas loin de ça pour de vrai. Ah ouais? Parce que là, on dirait un perso du monde à l'envers en l'occurrence. On dirait vous déguisé, cela dit. En plus, il avait un masque et du coup, en fait, ça, il pouvait pas le mettre le masque en fait. Il était trop gros, le nez. Ça faisait vraiment la forme d'un gland au bout. Enfin, c'était fou, quoi. Vraiment, c'était. Bah, ce monsieur, en tout cas, a pu changer et va mieux. Voilà, il a pu se faire opérer. Et il a appelé son médecin. Il a dit que c'était un ange descendu du ciel parce qu'il lui a permis de retrouver une apparence moins sujette à quolibets, disons. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des complexes, pas forcément le nez, parce que franchement, qui a des complexes au niveau du nez autour de la table? Je vois pas qui. Donc arrêtez. Tout le monde est hyper bienveillant sur le sujet. Quoi. Non, est-ce que vous avez déjà eu, toi, Adrien, par exemple, est-ce que t'as déjà eu un complexe? Ah, ça peut être ado, hein, ça peut être un truc que vous avez arrangé. Non, j'ai. Ton crâne chauve là. C'est peut-être le seul truc. Oui, voilà. Enfin, pas là, ça va, mais oui. En fait, avant que je me rase le crâne. Cette espèce de chiasse de cheveux devant là, clairsemé là, j'étais pas fan du coup, mais voilà, j'ai réglé le problème. Ça te va très bien. Mon crâne. Ça te va très très bien. Non, et ado, rien, il y avait pas un truc de. Non, pas. Plus pas des vraiment. Trucs de personnalité, toi, ado. Enfin, genre. Pas à peine d'inventer des trucs en fait. Non, il me semblait que t'en avais parlé. Non, il y avait forcément quelque chose. Et tu vas trouver. Tout de suite. Il me semblait que t'en avais parlé dans un podcast. Non, je sais pas. Oui, j'étais. Il me semblait. Excuse-moi. Moi, j'ai le sternum un peu en avant. Il est pas. Il rentre pas. Il sort un peu. Ah ouais. Et quand j'étais. Maintenant, je m'en fous complètement. Mais quand j'étais petit, ça me complexait. Et du coup, je savais qu'on allait à la piscine et qu'on allait le voir. Ah. Du coup, j'avais fait genre. Ouais, mais en fait, là, en fait, moi, ici, c'est comme une armure, quoi. Je sens rien. Évidemment, la grosse brute arrive. Ah ouais. Donc si je tape, ça fait pas mal. Et il y avait tout le monde qui me regarde. Je fais. Bah non, en fait, et là, bam, mon pote. Et moi, j'ai les larmes aux yeux. Ah, putain. Fait, et t'as pas mal, je fais. Bah non. Et il fait, oh, mais trop stylé et tout. Et après, mais franchement. Et t'as parlé comme Vincent Lindon pendant 2 ans. Ouais. C'est putain, vrai. Mais c'est bien, ouais, ça fait vraiment excuse d'enfant, quoi. De bébé. De dire, oui. Non, mais si. Après, c'était l'année du bac. Merde, bon, attends, bon. C'est fou, mais la piscine, ça existe toujours. Le concept de piscine, ça existe toujours. Aller à la piscine quand t'es au collège, lycée, ça, je trouvais ça honteux. Ouais. Moi. Bah, vraiment, surtout. Ouais. Moi, j'aimais pas trop, mais aussi pour les meufs, je pense que c'était. Bah, c'est gros. Mais en fait, c'est l'âge où ton corps change trop bizarre et pas. Tout en même temps, quoi. C'est des endroits à chaque fois. Oui, c'est. Forcément. Et moi, il y avait un gars, ça fait genre, j'invente, c'est pas moi, mais c'est vraiment pas moi. Il y avait un gars qui avait bandé, et vraiment, bah, il avait. D'accord. Bah, non, mais si, allez, forcément, autant te dire un pote. Que. Ça l'a... Non, vraiment. Oh, si j'avais bandé à une époque, j'en serais plutôt fier à mon pauvre. Mais moi, non, et du coup, il s'était fait vraiment vanner pendant 2 ans, quoi. Ah ouais. Mmh. Bah oui, bien sûr. Moi, j'étais très maigre, genre collège, lycée, enfin, genre, j'ai grandi d'un coup, et je faisais 1m90 pour. 65 kilos. Ah oui. Donc j'étais vraiment. Mais moi, je m'en foutais. Si on se moquait pas de moi, tout allait bien. Il s'avérait qu'on se moquait de moi. Tu dirais que c'est plutôt le regard des autres, en fait. Bah, c'est souvent les complexes. Bah, oui, c'est là, genre pas débile. Hein. Ouais. Mais genre, je me mettais jamais en t-shirt. Et je me mettais en manches longues, y compris quand il faisait vraiment chaud et tout. Jusqu'à faire croire que j'avais pas chaud. C'était toi. Il y a toujours l'inverse aussi. Il y avait toujours un gars au collège. En Bermuda. Qui était en t-shirt Bermuda l'hiver. Ah, c'était toi, Lucas. Pas Bermuda, par contre. Non. Mais t'étais tout le temps en t-shirt. Mais en fait, c'est vraiment parce que j'avais vraiment chaud. Mais même l'hiver, quoi. Et même l'hiver. Bah, et après, arrivé au lycée, je me dis, bah, c'est toujours la même chose. L'hiver, je mets un t-shirt. Chiasse. J'attrape froid. Et je supporte plus le froid. L'histoire, non, en fait. Tout simplement. Timothée ? Moi, c'était entre les sourcils. Hein, je me rasais, malheureusement, parce que ça commençait à se connecter. Hein. là, parfois, je surprends des poils sur le bout de mon nez. Donc, ouais. la moustache poil, moustache-nez, bof. Bof la blague. en fait, une fois, du coup, je me rasais forcément les boutons juste entre les sourcils. Ah, wow. Et du coup, je vais à la cantine et il y a un mec parfaitement honnête qui me dit... devant tout le monde, mais tu te rases entre les sourcils? Je dis non. Immédiatement, j'ai pas su mentir, j'ai fait non, et ça se voyait, je suis juste parti avec mon plateau. Non, pauvre type. Et après, ouais, je me suis dit, il faut que j'arrête ça. T'as dit pauvre type? Non, pauvre type, j'ai dit. Okay. Non, je l'aurais pris quand même. Ouais, moi j'avais beaucoup de boutons sur le front, et je les cachais avec mes cheveux, bah l'erreur classique, quoi. Et bien sûr, non, ça nourrit. Graisse. Ça nourrit tout bonnement. On m'appelait Nonos. Ah alors voilà. Wow. Nonos. Ouais. Putain. Mes potes hein, les gens t'avais pas d'amis. Franchement si, mais il m'appelait Nonos, donc est-ce que bon. Jean-Michel Bronner et Catherine Sanglern est un couple de retraités alsaciens. Oui, j'ai dit, je connais leur nom parfaitement. Mais les noms sont rigolos. Ouais, oui, c'est un couple de retraités alsaciens qui a terrorisé un village. Je peux pas vous dire mieux. Ils ont été condamnés à un an de prison ferme. Pouvez-vous me lister leurs méfaits? Voilà, me faire la liste de leurs différents méfaits. Est-ce qu'il y a un moment, j'espère que c'est ça, ils se déguisent en loup-garou et sortent des bois? Malheureusement, non. Sachant que l'article, les paragraphes ont parfois des sous-titres d'articles. L'un d'eux est une créativité malveillante. Donc, voilà, c'est juste pour nuire. C'était le seul but est de nuire. Okay. Ça va du très simple au plus farfelu, mais vous pouvez trouver les plus simples. Ils ont brûlé toutes les Peugeot de tout le village. C'est très farfelu, mais non. Ouais, mais il y a eu des choses avec des flammes. Ah voilà. Dans les poubelles. Ouais. Des flammes. Moi j'aurais brûlé des poubelles. C'est vrai. Ils ont brûlé. Alors, ils ont pas brûlé de poubelles. Mais boîte aux lettres. Non, pas de boîte aux lettres non plus. Ils ont chié dans les boîtes aux lettres. Ah alors, c'est très possible. Non, ils ont pas chié dans des boîtes aux lettres. Ils ont pas chié dans des boîtes aux lettres. Mais par exemple avec le feu, je peux vous en dire un. Ils ont foutu le feu à du plastique, de l'huile, du polystyrène, puis avec un grand carton, diriger la fumée nauséabonde vers la personne qui souhaitait ennuyer ce jour-là, ou avec un souffleur d'air. Alors ça, au niveau de l'échelle de, c'est quoi ça? C'est au début d'article. Je peux pas vous dire, mais c'est en début d'article. Okay. Donc c'est pas le truc le plus fou qu'ils aient fait. Ah ouais. Ok. Il y a des trucs basiques hein, que vous pouvez trouver. Hein. Ils ont genre pété des carreaux de plein de baraques. Il y a eu ça. Ils ont sonné à des portes. Comme les enfants, c'est des enfants. Et ils ont dit, il y a personne. Non, ils ont mis ça. Ils ont mis des chewing-gums dans les serrures. Après avoir pété les fenêtres, ils faisaient rentrer des drones très très grands. Et très lumineux. Non, c'est des vieux hein, quand même. Hein. Ça reste des retraités, ils n'ont pas la capacité de faire conduire des drones. Ils sont pris aux paillassons. Non, les paillassons ont été étonnamment laissés tranquilles. Okay. Non, mais par exemple, je vais vous dire les faciles. Ils ont envoyé des insultes, des menaces. Ils ont fait des. Alors je disais, c'est des vieux, ils savent pas utiliser des drones. Ils ont quand même fait des publications insultantes sur les réseaux sociaux. Ah, la base. Même. La ah base. Ouais, ils sont même sur le numérique. Ouais. Pas mal. Mais en vrai, quand je lisais l'article, un peu envie de faire ce film sur un couple d'Alsaciens qui terrorise un village entier. Parce que je vous dirai après les répercussions, mais elles sont vraiment terribles. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis à mal tout un village. Est-ce qu'il y a eu des décès? Il n'y a pas eu de décès, mais il y a eu des dépressions. Oh, wow, wow. Des gens qui se sont dit qu'ils n'allaient pas faire d'enfants. Parce que si c'est pour grandir dans ce village. Oh, bon Dieu. C'est vraiment très dingue. Est-ce qu'ils ont noyé tous les nouveau-nés Sagittaire et Cancer? Non, ça n'a pas été jusqu'au meurtre. Est-ce qu'ils ont mis des. Non, ils ont pas tué, mais ils ont noyé juste. Non, bah, okay. Noyé, ça. Ça dépend. Ah, ok, pardon, t'en prends. Ils s'en sont pris à une école? Non. Des croix en sang sur des portes. Brûler des croix. Ouais, mais seulement certaines portes. Non. Mais par contre, je vais vous en dire quelques-unes comme ça. À la volée, il y en a beaucoup. On n'en trouve pas un seul, on est nul. Mais non, mais arrête, t'es pas nul, t'es top. Non, est-ce qu'ils ont passé des coups de fil, genre 100 fois dans la nuit, des trucs comme ça, oui, pour les empêcher de dormir? Oui, ça, ils ont fait. Alors, ils ont fait autre chose. Je donne un indice. Catherine Sanglère, par exemple, elle est médecin généraliste. Okay. Donc elle a utilisé ce pouvoir pour, par exemple, dénoncer une autre habitante pour maltraitance sur sa mère et détournement d'héritage, alors que c'était faux. Oh. C'est juste, c'est le genre de choses qu'elle est capable de faire. Okay. Bah oui. Ils vont très loin, en fait. Oui, ils ont appelé des pompiers, par exemple, pour les prévenir du suicide imminent d'un voisin. Oh là là. Et lorsque les pompiers sont arrivés, il allait très bien. Voilà, est-ce qu'ils ont fait le jeu des hôtels de Guillaume Play? Je sais pas ce que c'est. C'est quoi le jeu des hôtels? C'est il fait quand les invités étaient dans son émission et tout, ils demandent, on appelle un hôtel et on leur dit de, faut que tu dises ça. Ah oui. C'est malveillant. Et souvent les phrases c'était suce ma bite ou des trucs comme ça, je me souviens. Ah, trop bien. Ouais. Tu l'as pas fait toi avec le Zapping Amazing 2? Parce que on parle mais on est quand même en compagnie du metteur en scène du Zapping Amazing 2. Alors j'étais pas metteur en scène j'ai pas fait le jeu des hôtels. Mais t'étais quoi sur Zapping Amazing 2? T'es dans le making of, arrête. Ouais, non, j'étais, je sais pas, coordinateur script artistique doctor, ou un truc comme ça. Putain, quelle carrière. Oh là là, tu sais, on l'a rematé avec Jérôme il y a 2 semaines, ce truc là pour un projet. Rigoler. C'était, bah franchement, c'était cool quoi. Enfin, on s'est vraiment marré quoi. Il y a des, en fait, c'est le résultat. Il y a des hauts et des bas en truc. Mm-hmm. Mais je pense que l'aventure devait être vraiment marrante. Vous aviez un bus en plus. On avait un tourbus, ouais. Oui, et on avait des Nintendo DS. Anecdotique, mais non, mais je sens que ça a compté. Ça m'a marqué. Non, mais le voisinage en fait a appelé la, enfin comment dire, est allé devant en procès quoi, tout simplement. Mm-hmm. Les a attaqués en justice. Puisque la plupart sont sous traitement, le plus souvent des calmants ou des antidépresseurs. Certains ont même raconté à la cour qu'ils avaient hésité à faire des enfants, ce que je vous disais, dans un tel contexte. Des témoignages choquants qui ont conduit le tribunal à les condamner à 1 an de prison ferme assorti d'un mandat d'arrêt. Ils n'ont pas le droit de réapparaître dans le village. Ça, c'est drôle, je ne savais pas que c'était un vrai truc qu'on pouvait être... Ils sont bannis. Ils sont bannis du village pendant 3 ans, ce qui est pas ouf pour le coup. Ni d'entrer en contact avec les plaignants. La femme n'a même plus le droit d'exercer la médecine pendant 3 ans. Franchement, enfin, c'est bien. Même faudrait être radié. Ouais. Oui. À noter d'ailleurs que les accusés ne se sont même pas rendus à l'audience. Ils vont revenir. Au bout de 3 ans, ils vont revenir avec un tank. Non, c'est bon. On a appris. C'est faux, j'ai le lance-flamme d'Elon Musk. Un Indien a été arrêté après avoir essayé de mettre le feu à un bâtiment. Je vous demande lequel et pourquoi. Mimi Sécu. Non. Non, pas, pas lequel Indien. L'Indien n'est pas dans la ville. Hein. Okay, okay. Là, on parle d'un Indien d'Inde. Ok, ok, oui, pardon. Oui, non. D'Inde, comme la Turquie. Oh, allez. Oh là là, joli. T'es une balle rebondissante. Non, je peux pas te dire plus. Il a mis le feu? Un bâtiment administratif. Okay. Et lequel? C'est ça qu'il faut. Faut deviner lequel et pourquoi il l'a fait. Quand vous aurez lequel, ensuite je pense que vous trouverez. Un truc vaccin. Non, c'est pas lié au Covid. Un Indien d'Inde ou d'Amérique? Non, d'Inde. D'Inde, okay. La mairie. De l'Amérique, il disait. La mairie. Ah non, c'est ça que tu disais. Une ambassade? Pas une ambassade. Non, mais je le prends pas perso. À chaque fois que je te dis que c'est une mauvaise réponse, j'ai l'impression que tu le prends perso. Ah, pas du tout, Florent. Un truc de naissance, de. Non. Non. Je dis administratif, mais c'est pas forcément public, hein. C'est privé. Banque du sperme. Enlève du sperme. Banque. Alors pour. Je suis assez. Et à votre avis, pourquoi ils ont voulu foutre le feu à une banque? Est-ce que c'est parce qu'il a acheté un truc honteux et il avait peur qu'il sache que. Tu vois, il a commandé un truc sur internet? Ça aurait été mieux que la réponse, mais non, c'est pas ça. C'est pour un truc vraiment anecdotique par rapport aux conséquences? Non, enfin. Je comprends qu'il ait foutu le feu, mais c'est un truc qui arrive souvent malheureusement. Il s'est fait refuser un crédit. Exactement, il s'est simplement fait refuser un prêt et il a littéralement essayé d'incendier une banque. Je comprends. Voilà. D'accord, ouais. Et ouais, c'est assez. Vraiment. Ouais, tous d'accord autour de la table. Alors moi, j'ai chiron à deux fois là. J'ai bossé dans une banque, donc je suis moyen d'accord. Ouais. C'est vrai que t'as gardé des très bons souvenirs, j'ai l'impression. Parce que moi, j'aimais bien, ouais. Mais ah ouais. Ouais. Mais est-ce que, parce que moi je découvre ça, est-ce qu'on a des plaisirs à être banquier sur le fait de... Non mais, je m'explique Adrien, je t'ai senti souffler du nez. Mais est-ce qu'il y a vraiment un truc où tu dis, là, parce que c'est un métier très dur pour dire aux gens, bah non, allez-vous, enfin, vous aurez pas d'argent pour tel truc, vous êtes à découvert, vous êtes dans la merde. Est-ce qu'il y a quand même des plaisirs de, quand on valide un prêt, tu vois du bonheur chez les gens ou des choses comme ça? Ouais, t'es content quand tu fais des trucs qui sauvent les gens ou qui changent leur quotidien et tout, c'est cool. malheureusement c'est pas le oui c'est pas c'est le gros pas du travail partie, ouais, ouais, d'accord. C'est pas l'objectif surtout. Et, c'est... et effectivement tu travailles au service d'un truc à l'époque parce que ça a quand même un peu changé, mais tu travailles au service d'un truc qui est pas là pour servir le client mais pour que le client te rapporte de l'argent. Bah oui, parce qu'à l'époque les banques étaient dans les banques et maintenant elles sont à l'Élysée. Oui. Oh, et si pas mal. Mais j'avais genre j'avais 21 ans et je disais à des gens de 40 ans bah là non enfin c'était trop bizarre enfin le ah mais ça devait les énerver encore plus. Ouais. En plus tout bah, maigre et tout petit là. Con. Hein, gros nonos là. Non mais moi c'est, je me souviens quand j'étais jeune j'avais une carte Electron. Mm. Je me souviens je bataillais avec ma banque parce que j'avais pas de thunes quoi. Et vraiment c'est vrai que moi, plus, moi j'avais fait un truc très nul. Il y avait alors à l'époque pareil je sais pas si c'est encore le cas dans mais pas c'est pas le cas dans la banque où je vais. Tu remplissais un chèque et tu le mettais dans une espèce de grosse boîte à chèques. Maintenant c'est un peu électronique, j'ai l'impression que tu le fous dans une machine. Mais à l'époque c'était vraiment juste une boîte aux lettres à chèques. Et vu qu'il m'avait refusé encore, je sais pas quoi, je voulais juste un peu de sous, j'étais à découvert depuis genre une semaine. Je suis sûr que t'as mis un truc dans la boîte aux lettres. J'ai mis tout ce que j'avais sous l'ordre voilà. Dans la boîte aux lettres à chèques. J'ai mis toutes les enveloppes, tous les trucs et je suis parti en disant vous me reverrez jamais. Et avec le recul, ce qui est un peu marrant, c'est que vraiment j'étais à découvert, donc je pense qu'ils étaient bah tant mieux, gars, on en a rien à foutre. Vous avez quand même eu des sales histoires avec les banques ou des trucs? Non, ça va, c'est toujours bien. Quoi? Non. Le casino, moi, c'est pas pareil. Ah oui, ça ressemble, ça ressemble. Ah, il y a eu ça? Oh oui. Oh oui. Ah, ah oui, les casinos en ligne, malheureusement. Ah merde. Ça, c'est un. Ouais, ouais. Bah, en, ouais, non, mais j'ai commencé, il y a des années, des vrais casinos et ça c'est reparti sur Groom. Est-ce que j'ai une responsabilité là-dedans? Ouais. Oui. Il me semblait bien. D'accord. Non, non, non, c'est seulement moi. J'ai appris, je fais des thérapies sur ça. Non, mais le truc, c'est que, ouais, j'aimais bien les casinos et puis ensuite j'ai découvert que c'était possible en ligne et là, bah, c'était foutu. T'as mis le doigt dans l'engrenage. Ouais, foutu. Ah merde. En fait, j'ai accès au casino depuis mes chiottes. Mais oui, c'est incroyable. Bah, c'est terrible. Vraiment, j'avais gagné 2000 balles un soir. Et au final, j'ai perdu 2000 balles. Bah, donc, moins 4000, monsieur. Aïe, aïe, aïe, pas mal. Voilà. Et donc, t'as dû vraiment t'aider pour arrêter et tout? Ouais, je me suis banni de tous les sites. Ah, trop bien. Ouais, félicitations. Bah, si. Bah, ouais. Non, bah, si. C'est franchement, en démerdant, tu dois pouvoir en trouver d'autres. J'en ai trouvé. Ah, oui. Il y en a 2-3 autres. Mais là. C'est fou parce que. VPN et tout. Il y a même pas la semaine dernière, ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit monsieur, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Les bâtards, on vous offre 50% sur votre premier versement. Mais ça, c'est scandaleux, ça. J'ai fait. Ah oui, bien sûr. J'ai replongé, mais il y a pire de toi. Et c'est une drogue, hein. C'est une drogue. Non, mais c'est curieux quand même de l'avoir au téléphone et de dire ça va, non, merci. Oui. Et en même temps, il me parle de trucs que je connais. Il me dit vous savez, la roulette et tout ça. Ah oui, t'es très calé. Ouais. Tu connais la roulette. rouge ou noir. Son démon, c'était le blackjack et c'était. Ouais. Je le voyais faire et ça partait très vite, hein, les jetons. Non, mais moi, quand je suis allé à Las Vegas, c'est vrai que tu te fais vite attraper. Alors que pourtant, je crois vraiment pas avoir le démon du jeu. Vraiment, je m'en branle. C'est vrai que très vite, une fois, il suffit que tu gagnes pour ensuite être con en fait. Enfin, aller jouer, perdre énormément en te disant non, mais ça va. Ça va revenir. Ce qui est génial, je sais pas si c'est le cas en France, à Vegas, c'est effectivement, genre, ils te servent de l'alcool à volonté. Quand t'arrives à la table, ils te demandent ce que tu veux boire et tout. Et tu, en fait, c'est, bah, plus tu bois, plus tu fais n'importe quoi. Bien sûr. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit. Il y a même des casinos où, en gros, c'est pas des jetons, mais c'est genre des cartes magnétiques où t'as des crédits pour jouer. Et en gros, ils disent bah c'est plus pratique parce que comme ça c'est une carte, tu l'as dans ta poche, machin, tu te trimbales pas avec des jetons, des trucs. Et en fait, la raison pour laquelle ils font ça, c'est que ils contrôlent, en fait, ils voient les gens qui ont presque plus de crédit. Et du coup, ils vont les voir et ils leur disent ah, mais si vous voulez, il y a un spectacle, il y a un truc. Ils les font rester. Oh là là. Ah la vache, c'est horrible. Et puis peut-être même visuellement, du coup, tu vois pas qu'il a plus beaucoup de sous. Oui, en plus, enfin, il y a ça. Mais il y a un truc de ah, lui, il a presque plus de jetons. Vite, allez lui proposer un cocktail gratuit, un spectacle et tout machin, pour les faire rester et qu'ils continuent à jouer. Rien que le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre généralement et tout ça, je trouve ça super angoissant. Ouais, en fait, c'est fait exprès pour pas que tu vois le temps passer. Pour pas que tu vois que c'est. Mais juste ce trick là, il est horrible. C'est vraiment. Non, mais tout est horrible. Moi, j'y suis allé une fois, du coup, avec. Moi par contre j'étais tout l'inverse, j'avais peur du coup d'être addict à tout. Du coup j'ai juste mis 1 euro dans un truc, je sais pas, un truc à comment on dit là, truc. Bah roulette, ouais, machine, machine à sous, machine à sous. Oui, machine à sous. Et j'y retourne. Je fais je veux dire une fois, je gagne 73 centimes, je fais allez, c'est bon. Et je pars. Plus 73 centimes sur le nabab. Pas mal. Non, et à Las Vegas, ces bâtards, ils font un truc encore, enfin moi qui m'a touché. C'est t'as ça, t'as les machines à sous, mais qui des fois tu peux déclencher des bonus qui sont des jeux vidéo dans la machine à sous. Il y avait une machine à sous Very Bad Trip genre, et si t'avais 3 Zagalifinakis, j'avais le film en entier. Tu devais attendre. Bon. Sinon tu gagnes pas. Non mais t'avais un quiz sur le film après alors. Non mais il y avait pas un quiz, mais il y avait un jeu par exemple de rythme, et donc en gros si t'étais dans le rythme tu faisais x2, x3, x4, et donc du coup c'est pas que du hasard, t'as un peu un truc de mais là si je suis bon. En plus, j'ai de la. Pas mal. En vrai, quand même, c'est quand même du hasard. Parce que tu tombes deux fois et t'as perdu tout. Vegas. Et à Vegas, j'y suis allé. Ah, t'y allais, aïe. J'ai découvert le blackjack là-bas. C'est ça aussi, tu l'as découvert là-bas. Bah ouais. Et le truc fou, c'est que même dans l'aéroport pour partir, il y a des machines bien à sous. Bien sûr. Et j'avais vraiment juste du cash. Bon, je me dis, vas-y, j'y vais quoi. Dans l'aéroport, t'étais déjà un peu addict du coup. Je vais pas transférer en euros, c'est ridicule. Non, c'est vrai. Mets tout dans une machine. Et le dernier dollar, j'ai gagné 100 balles. Vraiment mon dernier dollar. Ouais, et ça, c'est ça malheureusement qui t'a mis un truc dans la tête. L'addiction est partie de là. Quoi. Puis tu t'es dit, mais 100 balles, par contre, je vais aller au truc de convertir. Là, ça t'a pas embêté, quoi, par exemple. J'ai remis tout. Ah oui, d'accord. Non, c'est faux. J'ai gardé les 100 balles. Ah putain. Savez-vous qui est Saturno de la Fuente Garcia? Parce qu'il est décédé il y a quelques jours. Savez-vous pourquoi il était célèbre? C'est de l'artistique? Ce n'est pas de l'artistique. C'est un record. C'est une. Oui, c'est une forme de record. C'est un toréador et il a tué beaucoup de taureaux. Non. Donc, c'est ça, ouais. C'était pas le doyen de l'humanité, tout simplement. Oh là là. Oh. Très fort. Oh, wow. Effectivement, c'était le doyen de l'humanité. Il allait avoir 113 ans dans 2 semaines. Donc, comme quoi, souvenez. Ouais, comme quoi, le 113 fout la merde. Il est ce qu'on appelle, alors j'ai découvert ce terme que j'ai adoré, c'est un super centenaire. C'est-à-dire Bah je sais pas, mais ouais, c'est il le était top tout le temps. Il était, oh là là, il faisait des blagues, toujours la petit sourire. Hein. Ouais, la banane. Ouais. Et la galette. Ah, c'est un super. Autant il y en a à chier, il y a des centenaires vraiment à chier. Oh, autant lui, c'était un très super, mauvais centenaire. Super centenaire lui. En gros, pour vous donner un peu un ordre d'idée, il est né un an avant Bruno Cocatrix et Mère Teresa, par exemple. Putain, et comment il est vieux. Le record de l'histoire reste encore et toujours Cocorico, Jeanne Calment, qui s'est éteinte à l'âge de 122 ans. Oh, bon sachant que c'était. Il y a une rumeur comme quoi c'est truqué, quoi. Ouais, j'avais entendu ça. Ah oui, ils ont échangé d'identité, je sais pas quoi. Ouais, qu'en gros, je sais plus, enfin, une fille qui a pris le nom de sa mère ou l'inverse, un truc comme ça, et que du coup elle a cumulé. Enfin, je sais plus le truc, mais qu'en gros, elle a eu un enfant à 20 ans. Ça, c'est fou. Oui. Et que du coup, ils ont changé les identités. Du coup, bah, elle a gagné 20 piges. Ans. De, ça marche, faut pas avoir de proches, enfin, pas d'amis, ou je sais pas. Ouais, voilà, à l'époque, peut-être. Il n'y avait pas les réseaux. Ah, ça, c'était avant Twitter. Ça, c'est sûr. Et Jeanne Calment, d'ailleurs, ça m'offre une transition toute faite. Est-ce que vous saviez qu'elle a fait un album? Elle a fait un album. Non, mais c'est vrai. Ah oui, bah oui. Oui, connaissez-vous l'album 121? Non, parce que je connais la Adèle, Adèle, Adèle. C'est par rapport à Adèle. C'est comme Adèle. Alors, c'est pas par rapport à Adèle. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est par rapport à Adèle. C'était sorti de l'année de sa. C'est 121 ans. Hein, parce qu'elle est morte à 122. Mais l'album s'appelait 121, Maîtresse du Temps, sorti dans les années 90. La plus, la plus connue, peut-être la connaissez-vous. La farandole de Jeanne. C'est la farandole de Jeanne. Je vous la fais écouter. Écoutez bien les paroles. Je vous mets au défi de comprendre. Mais c'est produit par Scred, il me semble. Dites-moi, Madame Jeanne. Pouvez-vous me raconter quand vous étiez petite fille? Pardon? Bah alors si vous comprenez pas ce que dit la petite fille, préparez-vous avec la vieille. La farandole. Oh wow. La farandole, elle a dit la farandole. À un moment elle s'énerve. Vous voulez danser encore? Elle s'énerve. Oh là là, l'instru n'a pas pris une ride. Et alors, parce que cette chanson est un peu connue des gens de Twitch et tout, parce que cette chanson a beaucoup tourné. Faudrait qu'un rappeur pose dessus. Ça serait pas mal. Mais est-ce que vous savez qu'il y avait d'autres chansons que moi j'ai découvert en faisant mes recherches? Connaissez-vous la chanson Historiquement? Alors, attends, pas en deux mots, en un seul mot. En un seul mot. Historique allemand, tu fais attends. Non. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est par rapport à son nom, Jacques Calment. Exactement, je vous fais écouter le titre. Ça marche encore aujourd'hui. C'est pas pas mal. C'est du très très lourd. Mathieu Chedid. Cassius. C'est Cassius qui a produit, je crois. Ouais, une petite intro. Ladies and gentlemen, she comes from the 19th century. For the first time, you're going to listen to the voice of Mrs. Jeanne Calment. Oh, c'est super. Bonjour. Oh. Je m'appelle Jeanne Calment. My name is Jeanne Calment. Ouais. Il y a un traducteur en cours d'anglais, en fait. C'est bon entendeur. I was born in Arles. Mais là, enfin, elle voulait faire ce truc ou non. Arrêtez de m'enregistrer dans les paroles. Laissez-moi. Bonus track. J'ai faim maintenant. J'ai envie de dormir. Le dernier laissez-moi morceau, c'est tranquille. Pitié calmant. Mettez fin à mes jours. She wants to die. Est-ce que vous aimeriez vivre vieux? Une question comme ça. Est-ce que moi, ouais. Ouais, ça dépend dans quel état t'es, quoi. J'imagine, en fait, mais dans un monde... Si je suis un super centenaire, ouais. C'est ça. Moi, c'est mal barré, quand même. Tous mes arrière-grands-parents, ils ont été centenaires. Ah ouais, et du coup, je serais un peu vexé de, ouais, de pas tenir quoi. T'auras pas le temps d'être vexé, je pense. Tu vas pas le voir venir. Non, mais si à 70 tu sens que ça commence à dérailler, tu vas dire allez, je suis beaucoup trop loin quoi. Ouais, oui. Et ils étaient super centenaires. Ils étaient pas tous. Il y en avait une qui était super centenaire, les autres qui étaient moyen centenaire. Ok, centenaire. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'ils avaient 100 ans quand même. Non. Ah oui, oui. Ah ouais, ils ont tous fait 100 ans. Ouais, ouais, ouais. Putain. Il vient de le dire, enfin, c'est incroyable. Non, mais c'est. Avec les perturbateurs endocriniens, je pense qu'on est foutu. Puis quand tu regardes la gueule de la planète. Oh là là. Oh là, là. Et donc toi, t'es maux de dos là jusqu'à 100 ans, tu serais content? Mais non, mais j'ai mal comme d'autres ont des problèmes, tu vois. Ça se trouve. Ouais, ouais. Je sais pas. Je fais des abdos là en ce moment donc. Ouais, ça fait du bien, tu kiffes? Non. Non, j'ai pas de différence au dos, mais je suis en train de me renforcer sévère là. Va pas falloir me chercher, je me regarde pas comme ça. Ok. Wow. Il tape les nonos, hein, je veux pas dire. Hein. Lucas, toi, tu te verrais. Merde. Non. Non, enfin oui, enfin oui. Oui, j'espère un peu quand même, mais non, je sais pas. Non, mais parce qu'il y a des gens qui ont jamais posé cette question. Mais genre centenaire quand tu demandes, c'est est-ce qu'on ouais, vit jusqu'à 100 ans quoi, 100 de ans, 85 mais... à 100 quoi, tu vois. Ah bah c'est pas centenaire, je crois pas. Non, mais tu vois, à partir de 85, okay, je pense que tu commences à trouver le temps. Un petit score lourd un peu quand même quoi. C'est ça. Ça dépend, ça dépend. Moi mon arrière-grand-père qui est décédé à 96 ans, sur les 5-6 dernières années, il disait c'est long. Enfin, vraiment, il y avait un truc quand t'as perdu ta femme, ton fils, machin. Y a et un ta bataille. Ton fils et ton domaine. Non, ton domaine. Ouais. Je mélangeais. Mais il y avait un petit truc, je crois, de paresse, quoi. Ouais, peut-être rentrer maintenant. Ça va. Ouais. On a servi les tisanes, là, il est 4h du mat. On va peut-être rentrer. Hein. Non, mais quand tous mes proches sont morts, on se refera un checkpoint et peut-être effectivement. C'est ça. On fera un petit podcast et puis on en parle. Voilà, exactement. Tim, J'ai pas d'objection à vivre vieux. Mais c'est vrai que je m'imagine pas du tout quoi. Ouais, j'ai vraiment j'ai l'impression que je vais crever jeune. J'en suis convaincu pour toi. Ouais. Mais je te l'ai déjà dit. Hein. Non, mais oui, c'est le feeling que je donne. Déjà, je te prends pas par surprise. Hein. De fortes chances que tu finisses à la rue à cause des casinos. Oui. Et après, bah là, c'est la dégringolade. À partir de là, la santé qui fout le camp. Autant y retourner maintenant au casino. Je sais pas. Enfin, tu vas en profiter jeune. Donc on en parle. T'es à 2 heures de Deauville en bagnole là. Mais des fois, je me fais des petits jeux comme ça, genre de mes proches, qui va crever en premier et tout. Et je faisais pareil. Je m'étais fait aussi le studio Bagel, lequel va mourir en premier et tout. Ah oui, ça va. On l'avait fait aussi. Le cinquième va vous surprendre. Le jeu du premier. Le jeu du premier youtubeur, c'était. Oui, c'est ça. C'était quel est le premier youtubeur qui va. Non. Ouais, c'était un bon jeu que je vous invite à faire. Alors, c'est pas obligé que ce soit un truc glauque. Ouais. Mais on est allé très vite dans le glauque, hein, de mémoire. Mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais... Oui, donc toi, Adrien, t'aimerais te voir vieux. Tout dépend. On imagine en bonne santé. Si ma vie, en termes de joie de vivre, reste au stade où elle est maintenant, je préfère pas. Autant que ça s'arrête assez vite. Mais sinon, Sinon, faut voir. Après, oui, tout dépend. Encore une fois, tout dépend dans quel état t'es, quoi. C'est ça. Je pense qu'il y a aussi un truc. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'être un vieux con sans m'en rendre compte, quoi. Ouais. C'est ça, juste de vieillir et d'être aigri et désagréable. Parce que là, déjà, je suis pas. Enfin, j'ai pas souri une seule fois pour l'instant. Je me dis vraiment. Si je vis 100 ans, je vais faire la gueule. Quoi. Vos podcasts, bon, c'est de la radio en fait. Pourquoi vous dites podcast? Ouais. C'est trop bizarre. Enfin, c'est bon, quoi. Non, mais moi, je sais que mon grand-père m'avait vraiment. Ça m'avait fait moins peur, je sais pas peur de mourir, mais j'ai un peu peur pareil, d'être un peu vieux et ratatiné. Et le fait qu'il y ait vraiment un truc de. Comme une vieille patate. Comme, une vieille patate, ouais, comme un vieux pépère pollu. Mais c'est vrai qu'il y avait. La vieille patate pourrie toute ratatinée. Une frite. Mais il y avait ce truc, ça m'avait vraiment décomplexé, ce truc de. Oh la flemme. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc de. C'est long. De quoi quand la ton vie, grand-père t'a dit. Quand mon grand-père m'a dit, c'est long. Je trouvais ça drôle de dire de la vie. C'est long. Mmh. Y avait un peu, alors qu'il avait fait plein de trucs chouettes et que. Autant, il y a la file d'attente de la poste, tu peux dire ça, mais là, c'est la vie carrément. La vie entière. Bon, là, mince maintenant. C'est pas mal. C'est qu'il est en accord avec ce qui va se passer. C'est une belle ou trop. Ouais, c'est vrai qu'autant mourir. Autant mourir dans cet état d'esprit-là que exact. Putain, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. J'ai encore les. Non, pendant 5 ans. Bon Dieu. Trouver une grosse pierre. Pardon. Mais j'aimerais bien pas souffrir par contre, je trouve ça cool de. Je crois que ça c'est tout le monde hein. Ouais. Oui. Personne a dit moi quand peu je meurs. Gens, moi ce serait un couteau planté dans l'œil. Tout doucement. Pendant 5 ans justement. Centimètre par centimètre. 1 mm par jour. Vraiment, je vais inventer une machine qui vraiment me tient la tête comme ça. C'est saut. Sous perfusion. Et en même... Slow motion ça s'appellerait. Oh, parce que c'est lent. Et voilà. C'est par rapport à ça. Et en même temps, on me dit tous les échecs de ma vie. Pendant que ça rentre dans l'œil. Ça t'a raté ça, ouais, c'est vrai. Putain. Et aussi les trucs à côté desquels t'es passé sans le savoir. Les super opportunités. Genre les meufs qui te kiffaient, tu savais pas. Les tafs que t'es à côté desquels t'es passé, qui t'es charmé et tout. Mais ça m'a fait rire. D'ailleurs, j'ai maté. Moi, ça la... me fait pas rire du tout. Ça me fait rire, c'est vrai, putain, excuse-moi. Moi, je suis en j'ai maté la vidéo de McFly Carito avec Edouard Baird et. Attends, tu parles du dîner des légendes. Les légendes. Ouais, c'est ouais, une d'accord. Vraie légende. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a un truc qui était marrant, c'est comment McFly pose une bonne question, je trouve, à poser. Bah, à... C'est une légende après. Donc, elle devait être légendaire cette question. J'imagine que c'était légendaire comme question. Je veux pas mettre le charrue avant les bœufs, mais. Il demande à Edouard Baird et François Damiens, est-ce qu'il y a des films où vous, à côté desquels vous êtes passé, genre des trucs qui ont été des grands succès. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, mais ce qui est très rigolo, c'est que même quand t'es au niveau d'Edouard Baird et François Damiens, il y a un truc de. Faut pas voir ça comme ça. Alors que c'est sûr qu'ils ont dû refuser des trucs géniaux et tout. Ah, et donc en plus, ils se livrent pas et tout, ça a l'air cool. Comme bah, c'est des légendes. C'est cool quoi. En truc connu, il y avait Auteuil qui a refusé Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchables. Ouais, on en a parlé il y a pas longtemps dans le Floodcast. Très... Pour et faire c'est... la fille du Puzati. Oui, parce que c'est Jenny qui, comme Daniel Auteuil, a tourné avec eux. Ouais. Et apparemment, il y avait, fait y genre. Avait également eux deux. Il regrette pas. Bah, Jenny nous a dit que sur le tournage, vous en avez parlé. Ouais. Parce que c'est Lucas qui balance la vanne en plus. C'était génial dans Intouchables. J'adore. Tu le savais quand t'as balancé la phrase ou pas? De quoi? Qu'il avait refusé Intouchables? Non, il nous l'a dit juste avant. Ah, bah donc tu le savais. Oui non mais je veux dire non mais oui pardon il l'a su sur le moment non mais c'était oui, c'est déjà ça, écrit pas, j'ai pas écrit le on ouais. a pas écrit le truc en non mais fonction, d'accord mais ouais. donc tu as fait la vanne en sachant qu'il avait refusé pour ça enfin tu l'as fait pour ça la vanne c'est ça que je veux dire non les gars, elle était déjà écrite les gars, ah, okay. Et du coup il en a parlé par rapport au texte ok oui, voilà. la vanne était par rapport au fait qu'ils sont toujours confondus les deux oui c'est ça ouais d'accord c'était juste ça mais bon c'était marrant. Genre il regrette pas d'être passé à côté. Là, il avait une petite larme quand il a dit. Je regrette non, mais pas. Ça, ça peut ne pas être son cinéma tatouage. Et tout quoi. Tu veux dire un truc très drôle et très, enfin Intouchables c'est quand même vraiment bien. Bah, il fait pas de la grosse comédie. Peut-être que ça. Il avait ça peut-être la flemme d'être assis pardon, pendant tout le tournage. Il est soudoué. Et la personne aux deux allez, personnes. Je t'ai tué mon pote. La personne aux deux personnes. C'est vrai. Très absurde en plus comme film. On le voit faire caca. Quoi? On le voit faire caca. On le voit faire caca. Oui, il fait un plouf. Magnifique. Il fait un plouf. Daniel Ochiot, non. J'ai rien. Si, ça marche. Pour moi, c'est ok. Non, il y a rien. Quoi? Tout s'envisager. Ah, je continue pas l'émission tant qu'on n'a pas trouvé. Daniel Croteuil. Ah, oui. Crotteuil. Il nous a fait un crotteuil à la Résistance Palace. Crotteuil. Crotteuil. Daniel Crotteuil qui sera malheureusement le titre de cet épisode. Désolé Lucas. Régis Laspace Chies. Oh, oui. Oh si ça marche. Non y a rien. Ça marche. Chias Palace. Chias Palace. C'est que chias à chaque fois. Mais le mot chias, c'est vraiment bien. J'ai Timothy Chias la paix. Bon, non mais ça va. En plus c'est Timothée, il s'appelle Timothée, il s'appelle pas Timothy. Ah ouais. Bah oui, on prononce Timothée. Ticrotée au chien. Oui, oui. De lecteur dans chien. Ticrotée, t'as dit. Voilà. Ticrotée au chien. Je pense qu'on peut faire toutes les syllabes. Crotte, crotte, chiasse, merde, sinon. C'est aussi. Prout, prout, prout, crotte, crotte, crotte, voilà. Prout, prout, les fesses. Jean qui chie dans le jardin. C'est dans le jardin. Ouais, ouais. Jean qui chie au fond du jardin. Voilà. Une bonne chiasse. Entre parenthèses, à la fin de son nom. François Cluvessé. Bon, franchement. Il a fait deux personnages. Passer à la suite, quoi. C'est quoi? Non, non, bah... Parce que. Non, mais on va en trouver d'autres. Ouais. Le répondeur du Floodcast. Omar Sy. Évidemment. Non, mais on parle d'intouchables. Bah, voilà. On a relancé le répondeur du Floodcast. Ah, oui. Speakpipe.com/Floodcast. Alors. Vous inquiétez pas, il y aura un petit jingle un jour. Jamais. Si, on le fera. On le fera, bien sûr. Donc. Comme ça, il est là, il est là. On a déjà reçu des centaines de messages, donc vraiment merci beaucoup. N'hésitez pas. Alors je rappelle les règles quand même, il faut que le message fasse moins d'une minute. Et si vous pouvez mettre le titre dans le nom du message, comme ça on sait à peu près de quoi vous parlez. Sinon on n'écoute pas. Ça fait plus d'une minute, on n'écoute pas. Voilà, on est désolé. Sinon si on en reçoit titre, trop. On n'écoute pas non plus. Voilà, c'est non, vrai. Mais soyons. Voilà. Non, mais t'as raison, faut être. Voilà, un moment. On a reçu quelques messages, je vous propose d'écouter le premier. Ouais. Yo, Adrien et Florent, et bon, bah les autres invités à la table, mais bon, je suis pas devin. Ils savaient pas à l'époque que vous étiez là. Petite question, parce que je vois beaucoup d'artistes, d'acteurs et producteurs maintenant qui s'emparent un peu de séries, de comics qu'ils adoraient quand ils étaient petits, genre Jon Favreau qui a fait The Mandalorian, qui a lancé les films Marvel, qui fait. Enfin, je vois qui s'emparent des trucs qu'ils faisaient quand ils étaient petits et qu'ils adorent maintenant. C'est quoi la franchise ou le film que vous adoriez réaliser s'il n'y avait pas de barrière de copyright? Eh ben, je sais, moi. Que vous aviez les droits sur un film et quel serait un peu votre, moi, j'en ai deux. Votre approche? Alors, j'aimerais commencer par Axel, parce qu'Axel, tu vas bientôt devoir nous quitter, puisque ce soir, tu décèdes. Et non. Donc, du coup, il faut que tu. Ouais, ouais, non, mais tu es au spectacle de Jérôme. Tu es au spectacle de Jérôme, que tu as coécrit d'ailleurs. Oui. Voilà. Oui, oui. Moi, j'aimerais bien faire un film Cluedo. Ah ouais? C'est ouais. Que ça existe, hein? Ben ouais, non mais même les à couteau tiré et tout, enfin ces trucs là. Non mais il y a un film Cluedo. Cluedo le jeu. Ah ouais ouais, ouais avec le colonel Moutard tout ça. C'est Cluedo avec jeu, Team Attends, Team merde. Team merde. Non. Team merde, on l'avait pas fait. Cluedo. Team Curry. C'est un acteur Team Curry, c'est avec les dents. C'est aussi une sauce, ouais. La sauce curry, je veux dire. Oui, bien sûr. Bon, je peux avoir une vraie réponse à ma question, toi. Team Curry. Oui. Bon, voilà, merde. C'est de la famille Adams, non? Oui, c'est vrai. C'est pas une blague. Ah bon. Non, aussi c'est Gomez de la famille Adams. Eh ben si. Discuter, mais. Ok. Pas... Et donc c'est toi qui... j'aime bien, en tout cas, ouais. J'aime bien. Je voulais faire un. C'est petit kiff de sang à dalmatien aussi. Du point... Ouais. Mais je voulais faire un sang à dalmatien du point de vue des humains. Ah. J'en avais parlé à tes producteurs. Ah ouais. De ciné, ouais, qui m'avait dit. Enfin, j'avais dit à chaque fois que j'en parle, les gens rient. Il m'avait répondu, j'avais trouvé ça très drôle. Il a dit. Faut pas que ça te décourage, mais ça peut t'alerter. C'est joliment dit. Et le vrai truc cool que j'aimerais faire, enfin le vrai truc qui me ferait kiffer, c'est il y a un film avec Sigourney Weaver qui s'appelle Copycat. Ah, et putain, j'aimerais trop le rebooter en série ou je sais pas quoi, mais faut les droits des Quinry en fait. Ouais. Donc, Tim Curry ne fait pas du tout Gomez. Ouais, non, pas c'est le mec qui fait Street Fighter qui fait Gomez. J'ai oublié son nom, qui est décédé. Raoul Julia. Ouais voilà. C'est peut-être. Lui qui fait. Oui, c'est pas du tout. Tim Curry, c'est le gars de Rocky Horror Picture Show. Ah, maman, j'ai encore raté l'avion. Ah oui, c'est le méchant. C'est Charlie, c'est drôle de dame, Scary Movie 2. Ah. Voilà. Que et Cluedo du coup. Donc il y a. Mais tu peux le faire quand même. Hein, oui. Parce oui, que oui. En plus, j'étais très déçu. Mais je crois qu'il y a un film français qui sort là, qui s'appelle Murder Party ou un truc comme ça. Et je crois que c'est un délire de un whodunit comme on dit, savoir qui a fait le coup, qui a tué, qui a machin. Donc t'as l'enquête pour savoir. Il y a le 2 de Knives ouais, Out, là, et le 3 sur Netflix. Ah ouais. Et sur Netflix direct. Ah, j'ai acheté la franchise pas, entière au distrib. Ouais, ouais. Dis donc. Knives Out 2 Knives Out 2. Trop bien. Avec Daniel cool. Craig, pareil. Oh, génial. Réalisé par Ryan Johnson. J'avais beaucoup aimé. Et le personnage s'appelle Benoît Blanc. C'est vrai, c'est fou. Comme l'acteur Benoît Blanc. Mais du coup, maintenant, quand tu tapes Benoît Blanc sur Google Images, il ne peut plus trouver de photo de lui. Oh, l'enfer. C'est génial. Benoît Blanc, acteur, bah c'est machin. C'est Daniel Craig. Non, mais c'est pas lui. Ça va, Daniel Craig, il a pas besoin de Google Images. Ah, la tuile, j'avais jamais pensé. Faut qu'il fasse comme la Turquie. Oui. Allô Benoît, fais comme la Turquie. Moi ça va pas ou quoi? Benoît d'Inde. Il y avait déjà Benny Blanco qui était déjà un peu son nom. C'est mais qui Benny Blanco? Bah, c'est un producteur musical. Ah, je connais pas, ouais, pardon, excuse-moi. Ouais, Adrien, raté, alors toi, non, oui, non, mais quoi. Alors toi, t'avais deux réponses, tu disais. Moi, j'ai deux réponses. Il y a bon les Tortues Ninja déjà. Ah ouais. J'aimerais trop faire un film Tortues Ninja. Un polar. Non. Mais dans le respect, oui, dans le, toi, ce serait dans ouais, le respect de l'ADN, si je puis dire, l'ADN. Ouais, mais en plus ceux de putain, je n'ai aucune mémoire. Mais comment il s'appelle ce con, celui qui a fait les films Tortues Ninja? Michael Bay. Oui, Michael Bay. Bon, c'était un fiasco. C'était pas ouf. Enfin, moi, j'avais. Il y a une petite place dans mon cœur des vieux films bah avec oui. les bon voilà qui sont ce qu'ils sont et qui ont vieilli comme ils ont vieilli. Oui. Mais j'avais détesté en plus enfin tout rien n'était bien. Ouais. La voix française. Il y a sûrement des enfants qui penseront la même chose de cela. Oui, c'est ça qu'ils disaient, ceux de Michael Bay, ils étaient top et maintenant ouais, voilà. c'est de la merde ouais, ce qu'ils ont fait. Oui, bien sûr. Oui. Non mais je suis pas dans le c'était mieux avant. Non mais oui, non mais je trouvais qu'il y avait Tu chies sur cette époque. Non, mais il y avait un truc complètement absurde genre sur comment c'est pas genre Megan Fox, c'était ses tortues à elle quand si. Elle était petite. Oui, oui, oui, oui. N'importe quoi. Oui, oui, oui. Quel intérêt, c'est nul. Nul. Ouais, ça c'était pas ouf. Putain. Mm. Et ouais, j'aimerais bien le Tortue Ninja okay. faire un truc. Je sais pas ce que j'en ferais vraiment exactement. Ouais. En revanche, un truc que j'aimerais trop, c'est Inspecteur Gadget. Et je sais qu'il y a déjà eu un film avec Matthew Broderick. Ouais. Mais moi, j'aimerais faire un film Inspecteur Gadget, mais où ça commence, où il est vraiment has-been. C'est-à-dire que, parce oui. que, en fait, ce serait Inspecteur Gadget, mais genre à l'époque actuelle, où il est complètement dépassé par la technologie, parce que lui, il a ses trucs un peu farcés à trappe, ses bras de merde et tout, qui font un peu ridicule, quoi. Et un peu un côté Birdman, quoi, que j'ai pas vu, mais qui à côté, il est obligé de reprendre du service. Ouais. Tu sais, il est vraiment en dépression et genre les gens ils le croisent dans les rues, ils font Inspecteur Gadget, enfin tu sais un peu, il est vraiment, c'est un has-been. Ouais. Et il est obligé de reprendre du service parce que Dr Gang revient et que Dr Gang il lui dit c'est lui que je veux tuer, quoi. Ouais, voilà, je veux un peu comme Die Hard 3 où spoiler hein, mais le frère de Hans Gruber dit je veux que ce soit McClane et qu'il aille faire ça et tout, et qui est un peu ce côté là que Dr Gang il revient et qui dit c'est Inspecteur Gadget. McClane dans Die Hard 3 est un peu un has-been au début. Enfin, il est alcoolo, il est pas. Un peu comme ça. J'ai envie de faire Inspecteur Gadget en mode Die Hard 3, voilà. Un peu entre Birdman et Die Hard 3. Ça fait un peu film noir et genre il a parfaitement le look de ce genre de. Ouais, il y a un imbert. En plus, c'est vrai. Je l'imagine trop vraiment. Et Sophie, elle a une Apple Watch. Dans un appart de merde et tout. Non, mais en plus, Watch, elle a 19 ans. Non, mais en plus, ça, c'est que déjà à l'époque, elle avait une Apple Watch, un iPad. En oui, fait, c'est vrai qu'elle Sophie, avait un iPad déjà. Ouais. Et donc, du coup, elle aurait vachement bien évolué avec le temps, et lui, il serait resté. Ah, c'est un boomer. Non, bah ouais. Le chien, tu le ferais parler ou non, enfin comme. Il parlait dans le dessin animé. Je sais pas s'il il parlait pas, mais. Ah. Oui, il avait un micro, mais il parlait avec Sophie, mais pas. Il est libre, pas ce que tu veux. Après, voilà, t'as les droits. C'est vrai. Minuterie 4 minutes. C'est le titre de ton film, ça ? Non, mais comme ça, je pars dans 4 minutes. On le saura. Timothée. Franchement, non, en termes de BD ou tout ça, parce que moi, j'ai pas trop grandi avec ça. Tu sais pas lire. Oui. Quoi ? Non. Du coup, en vrai, j'ai pas de projet coup de cœur comme ça. Mais si tu parlais de remake, moi, je vois pas trop l'intérêt des remakes, mais. Il y a un film, c'est Man from the Earth, je crois que ça s'appelle. Ah, c'est le huis clos là. Ouais. Que j'adorerais réadapter parce que le film et le scénario est, je trouve, génial. Je l'avais adoré, mais la réale, l'image. Ouais, te plaisait pas. C'est The Man from Earth, non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. The Man from Earth. Sorti en 2007. C'est trop bien et c'est globalement un mec qui réunit tous ses amis parce qu'il dit qu'il va partir, il va devoir partir et c'est trop bizarre parce qu'il a prévenu personne et du coup là il les prévient tout d'un coup, genre je pars demain. Ouais. Et petit à petit tu te rends compte que potentiellement le mec en fait vit depuis plusieurs siècles. Ah ok. Et c'est un huis clos, c'est que de la discussion. Trop bien. C'est trop bien. Faut que je le parce qu'on me l'avait conseillé et j'avais commencé de le regarder et je sais pas pourquoi. Je pense que j'étais pas assez attentif, du coup je me suis dit ah c'est trop con de le regarder dans ces conditions. Ouais. Et faut que en fait il y a un côté vraiment téléfilm dans le jeu et dans l'image et tout qui donne pas du tout envie. Et du coup c'est vraiment le seul film où je me dis ah peut-être un. Toi Lucas ? Moi j'en avais un mais c'est une mauvaise idée, je pense ça marcherait pas. Parce qu'en fait c'est. Là, j'avais lu le comics il y a longtemps déjà. Mais The Mask. Ouais. Ah oui. Je trouvais cool l'idée du comics, quoi. Ouais, avec ça, vraiment, ça se. c'est pas un gars qui le garde tout le temps, ça passe de un mec à un autre. Oui, selon la personnalité de la personne, ouais, le masque change. Avec Daniel Auteuil, ce serait charmé. Par exemple, ça pourrait être une série Crotte d'œil plutôt. Oui, ouais. Daniel Crotte d'œil. Oui. S'il accepte, ça sera un fiasco, et s'il refuse, par contre, ça sera un grand succès. Oui, une sorte de The Boys avec ouais, c'est le ça, masque, ouais. C'est vrai, le ça truc un charmé. Peu plus dark et tout. Putain, bah oui, bah pareil, j'ai envie de le voir. Mmh. Mais moi, en fait, je pense que les Tortues Ninja aussi, j'aimerais bien un truc plus dark et gore aussi. Ah ouais? Parce qu'en fait, non, mais en fait, ils ont tous des armes. Ouais. T'as envie que ce soit un peu. Qu'il y ait un côté un peu. Bah, tu veux dire des James Gunn. Des nunchaks, quoi. Non, mais. Ils ont des nunchaks. Parce que quand ils les sortent, c'est quand même. C'est la panique. Ouais, c'est plus ou moins la panique. En défense Clitter, ils sortent les katanas. Oui, en plus, donc. Non, mais tu as un côté un peu comme les films de James Gunn, quoi. Ouais. Très cru, très. Genre, s'il coupe un bras, tu vois vraiment le bras qui tombe et tout. Ouais. Et ce serait trop bien de. Tu vois, de ce truc enfantin, mais de le mettre dans un contexte hyper cru et. Au début, c'était ça, non? Quand c'était en noir et blanc et ouais c'était un peu comme ça. Mais du coup au cinéma je trouve que ça serait trop bien. Un côté un peu presque naturaliste mais violent avec des vraies tortues quoi. Avec des tortues. Dresser des tortues tout, mais... Genre il te reste moins de 4 minutes là. Il me reste 38 secondes. Ok, très bien. Et ben moi ce serait Astérix. Ah bah oui, moi, j'avoue que écrire sur un Astérix, souvent quand je vois des adaptations d'Astérix, enfin quand j'en entends parler, je me dis mais putain pourquoi ils partent là-dedans. Enfin je trouve qu'il y a des BD beaucoup plus évidentes. Moi je rêverais d'adapter genre le Tour de Gaulle, que je trouve être un des meilleurs albums d'Astérix. C'est très français pour le coup, parce que tu pourrais vraiment en gros le Tour de Gaulle ils font le tour de Gaulle, non mais pour récupérer de la bouffe en gros, je crois que c'est ça, pour faire le meilleur plat et pour prouver à César que machin. Et du coup bon, peut-être que faire le meilleur plat n'est pas la meilleure intrigue de cinéma, mais pour autre chose. Et c'est marrant, c'est ce que faisait un petit peu Astier dans le dernier dessin animé qu'il a fait. Là, je me casse. Bisous. Salut, salut, salut le man. Bisous. Alors, salut. Oh là là là là là là. Ah si, et Taxi 5 quand ils l'ont rebooté, j'étais un peu déçu de. T'aurais voulu le faire. C'était époque Tour du Bagel, Groom et tout. Je me disais avec cette team, j'aurais été curieux de voir ce qu'on aurait donné. Franchement. Bon, on t'a dit de faire attention au câble. Premier truc que tu fais, tu sors mets pas tes jambes. Sors par Adrien. C'est incroyable. C'est immense. Trop tard. C'est bien trop tard. C'est bien trop tard. Mais d'ailleurs Taxi. Oh là là, et on est connecté toi et moi. Taxi, j'ai rematé le 2 récemment et je sais pas si ça parlera à Axel, mais le Taxi 2 se termine sur une imitation de Jacques Chirac. Ah, bah tu es quand même moi qui parle tout, qui fait toujours crac crac les bah, pommes. Tu me plais mais t'exagères. J'aurais jamais cru que tu étais comme ça. Non, alors, vraiment. D'ailleurs Astérix, faut mettre Jérôme dans le rôle d'Astérix. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, c'est vous voyez qui pour faire Astérix Obélix. Astérix, moi j'avais dit Alex Lutz. Alex Lutz serait un bon Astérix. Ouais. Moi je pense franchement, bah c'est un oui mais c'est un frérot d'Adrien, mais Pierre Ninet, pas mal, hein. Astérix. Pas mal aussi. Ouais, le côté un peu malin. Mais Jérôme, il serait trop bien. Mais, oui, mais Jérôme, il est un peu plus trapu, je trouve. Et Astérix, il est nerveux, quoi. Oui, oui. Mais Jonathan Lambert aussi, je trouve qu'il pourrait peut-être faire un truc. C'est vrai. C'est vrai, moi j'adore Jonathan Lambert en plus. Et Artus pour Obélix. Oui, bah oui. Non, mais en vrai. Lelouch, je pense que Lelouch va être très bien, moi, en Obélix. Peut-être, peut-être. Enfin, oui, mais là, si on part sur un cast plus jeune. Bien sûr, bien sûr. Nouvelle génération. Greg Romano serait bien aussi. En vrai, il serait bien. Mais d'ailleurs, à une époque, je me souviens de Golden, on avait écrit une parodie. Enfin, c'était vraiment une parodie, mais on réécrivait Astérix à la sauce Tarantino, je crois. C'était je ça. Crois que c'est ça. C'était ouais. Tarantino, et donc du coup, on avait casté, et c'était Adrien qui faisait Astérix. C'est vrai. Et Greg Romano qui faisait Obélix. Voilà, ce qu'on me dira quand on me mettra une aiguille dans l'œil, là. Ah, le Astérix aurait été chambé, bah tu l'as pas fait, moi. Un autre message. Bonjour Florent, bonjour Adrien, j'espère que vous allez bien. C'était juste pour vous dire que je suis pionne dans un collège, donc déjà force à tous les autres pions en ce moment, et que j'ai collé récemment un petit sixième qui ne faisait que répondre Squid Game à chaque fois que je posais une question, c'est-à-dire est-ce que tu as fait tes exercices de maths Squid Game. Voilà, je vous embrasse et au secours. Je suis fier de lui, malheureusement. Alors voilà, donc faut qu'on voit avec Trafic. Mais si on peut retrouver cet enfant et lui offrir une casquette Floodcast, ou alors peut-être, c'est, t'as c'est pas du tout par rapport à nous, mais quand non, même, on lui offre. La blague est pour le geste, c'est vrai. Pour le geste, vraiment, pour cette défiance de l'autorité, on lui offre une casquette Floodcast avec grand plaisir. J'ai quelques questions des auditeurs. Salut Timothée et à tout le monde évidemment. Même si j'adore Calls, je pense qu'on pourrait avoir des réserves sur tes compétences en ce qui concerne l'image. Non, je plaisante. j'aimerais savoir quand est-ce qu'on pourra te retrouver avec à la mise en scène de trucs vidéo. Bah. Eh bien, alors d'accord. Il y a plusieurs projets qui arrivent. Y a un sketch show. Je suis... Ah oui, j'ai une chaîne TikTok aussi. Non, non, mais... Dis avant ton sketch show. Je fais des tours de magie sur TikTok. Et vous pouvez me suivre. Et c'est excellent, vous allez voir. Et c'est vrai, je vais le faire. C'est... Oui. Je suis à fond dans TikTok. Et non, oui, il y a un sketch show, je peux l'annoncer. De Mr. V, on l'a dit. Lui-même l'a dit chez Cyprien. Ok, voilà, très bien. Ouais. Oui, il y a un sketch show de Mr. V écrit par les personnes qui sont autour de cette table, plus Freddy Gladieux, plus Anis Rally. Voilà, Vincent Tirel. Et Vincent Tirel. Donc, la crème de la crème, comment foirer un sketch show. Alors, si ça dépendra du réel. Enfin bref, ça dépendra du réel. Voilà. Ah, message de Vic. Tout le monde sait que Mr. V est très très drôle, donc c'est vrai que si c'est pas marrant, c'est entièrement malheureusement ta faute, quoi, la faute. Ouais. Donc, vous verrez bien. Donc, voilà, ça c'est, on est actuellement en tournage. Ouais. Et ça sort en février, je crois. Ah oui, donc t'as très peu de temps pour la post-prod. Putain, ouais, c'est très rapide. Puis comme ils perdent pas les rushs et tout, ça va. Oh, allez, ouais, allez. C'est cool. Y a pas les rushs importants qui doivent être refaits. Allez, allez, allez, on avance. J'ai juste annulé mes plans de demain à cause de. C'est pas grave. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, non, non, t'inquiète pas, va. Et ensuite, bah, du coup, on a co-réalisé ensemble, Stéphane, un film. Avec Lucas. Avec Lucas, pardon. Qui sort on ne sait quand, mais là, on va faire une année de festival. Trop bien. Avec ce film. On a eu un prix déjà, on est super contents, c'est incroyable. Mad Movies, c'est ça, non? Ouais, Mad Movies au PIF. Trop ouais. Cool. Non, pas au PIF, je pense qu'ils ont. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, mais... Adrien! Non, bon, pardon. Putain, non, okay, c'est okay, ouf! Non, ok, ok. La moustache sur le PIF? Bon. C'était barbe. T'arrêtes avec c'était ça. Barbe. Non, non, t'avais qu'à pas te raser le nez. Ok. Abruti. Et donc voilà, on a fait ça cet été. Donc vous avez tourné un film quand même. Ouais, on voilà. A tourné un film de genre. Une sorte de comédie de genre. Okay. Et on est très contents, on est en plein mix là. Trop et bien. Voilà, on, donc ça va sortir un jour. Mais on est dans une bulle, hein, ça se trouve, c'est une foirade complète. Hein. Non, arrête. J'ai trop hâte de le voir en tout cas. Du peu que j'en ai entendu, j'ai trop hâte de le voir. Vous avez donc co-réalisé et co-écrit, oui. Les deux. Et Lucas joue le rôle principal. Oh là là. Oui. Avec Bastien Garcia. Oui. Ah, magnifique. Et Eva Grigoriev. Oui. Et il Hélène a dessiné l'affiche du film. Ah ouais? Quoi? J'ai inventé un truc. Ah ok. Sinon moi je jouerais aussi dans le film Scène de ménage, je jouerais Huguette. Voilà, je l'ai dit nulle part, c'est une exclu. Waouh, trop bien. Tu peux peut-être nous faire un petit extrait de comment tu joues? Ouais. Bonjour Huguette, okay. Ça va? Moi, j'ai pas encore le texte, mais. Bah, on okay, fait comme ça, je au niveau de la voix, quoi. Bonjour Huguette, ça va? Bah oui! Ah ouais, ok, putain, ça... tu vois? Et bien, oh, t'es chiant, Raymond! Par ah, exemple. Là, là. Oui, non, t'es ouais. Vraiment une teigne avec moi, hein. Ouais, non, mais. Excès de toupet! Je dis comme ça. C'est la réplique qui revient 2-3 fois dans le. Excès de toupet, Raymond! Excès de toupet! Bref. Là, j'en dévoile peut-être beaucoup de l'intrigue. Non, ça va. Je vais peut-être me taire. M6 va me taper sur les doigts. C'est la punchline un peu du film. Oui, excès de toupet. Non, oui. Mais elle est bien. Il y aura des t-shirts. Et mais... c'est même sur l'affiche, c'est le sous-titre. De... Excès de toupet. Putain. Et est-ce qu'il y a un gag où à un moment il y a quelqu'un qui il met une perruque et elle dit excès de toupet par rapport au toupet la perruque ou ils n'ont pas prévu ce gag? Mais peut-être, écoute. D'accord, non, pas... C'est vrai qu'il n'y avait pas. Non, mais là c'est. Non, on est encore en écriture, donc on prend en fait. Non, mais j'ai fait le pire truc, c'est-à-dire les questions où la blague est dans la question. Du coup, tu fais. Oui, oui. Désolé. Je déteste les interviews comme ça où les gens ils te ah, posent oui. Une question, mais en fait, c'est juste pour faire une blague eux. Ouais. Et après, tu fais. Ouais. Oui, oui, oui. Bah oui. Bah, la blague est faite en fait. Je suis ce genre de merde. Arrête. Non, arrête. T'es super. Tu m'as pas. Des masses aidées, mais c'est vrai que j'étais une merde quand même. C'était drôle. Moi, je vous trouve tous les deux super. Moi. Ouais, mais oh, là. Oh non, mais là, c'était par rapport à leur petit moment. Mais. Aïe, tu veux parler de tes poils de nez? Oui. Ta barbe. Dis chiasse, vas-y. J'en ai marre. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça fait 2 ans. Ça fait seulement une demi-heure. Hein. Personne ne prend du plaisir. Si vous deviez chacun autour de la table, et ce sera la dernière question, chacun citer 3 artistes auteurs qui vous motivent / inspirent le plus dans vos travaux, vous citeriez qui? Lucas? Je pense que. On dirait Marc Duplass par exemple. C'est qui? Marc Duplass. Ah, les Duplass Brothers. Oui. Mais oui. Alors, si tu peux dire qui c'est pour les gens qui ne savent pas. Comme moi. Ils ont fait par exemple Creep. Attends, je connais un truc de cinéma que tu connais pas. Ouais. Je sais pas qui a fait. Enfin, s'ils ont tout fait tous les deux à chaque fois. Bah, c'est Radiohead déjà là ce que tu viens de voir. C'est pas du tout. Creep, ouais, ok. Creep qu'ils ont fait. Wow. J'ai jamais été aussi mal maltraité dans ma propre c'est émission. Une blague, en fait. Je t'adore. Ah oui, ils ont fait Creep. Creep 1 et Creep 2, okay. Il y a pas Dalton, super. Blue Jay qui est super aussi. Que des films super et beaucoup sur Netflix. Et très, tous très différents. Ouais, c'est toujours des de petits l'horreur. Films à concept. Mais c'est beau parce que c'est aussi un acteur apparemment. Et très ouais, indé. Bah, il joue plein dedans, de trucs, dans Morning Show apparemment. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Il est excellent. Putain, et il joue, en fait, il a écrit et joué dans Creep, donc c'est le rôle principal. Et, ok, d'accord. Et en fait, avec son frère, du coup, Jay Duplass, ils produisent beaucoup de choses ensemble. D'ailleurs, ils ont fait Blue Jay. Ils ont fait Blue alors Jay. Que j'ai vu pour le coup, mais qui n'est pas du tout de l'horreur, qui est vraiment non, un truc romantique. Ouais, plein de trucs. Ah, génial. Ils kiffent, ils vivent leur meilleure vie en fait. Non, mais Blue Jay, c'est vachement bien. C'est sur Netflix, c'est joli. Alors, moi, j'adore ce genre de film. C'est une espèce de film romantique, un peu un chronique. Rapport avec manger Blue Jay, la campagne. Ouais. Non, je crois pas. Je sais pas. Bah, si, j'ai arraché un sourire à Lucas, je suis content. Ça me fait rire. Et les... donc, ils font des... Ok. Et en fait, attends, excuse-moi. Est-ce qu'il y a Michel Blougena dedans ou pas? Ça manquait d'une chiasse à la fin du... Michel Blouget, chiasse. Je dors pas. Allez, pardon, vas-y. Vas-y, pardon. Non, oui, ils sont très fans de faire des films un peu à l'arrache, comme on a fait pour Stéphane, c'est-à-dire partir, tourner. Et, par exemple, Blue Jay a été tourné en 7 jours. D'accord. Sur un traitement d'une page. Putain, c'est ouf. Et Creep, pareil, ils ont tourné en très peu de jours. Et c'est toujours, en fait, c'est ce truc de n'attendons pas la cavalerie et faisons les films. Et d'ailleurs, il y a un super livre qu'ils ont fait, les deux frères, je sais plus comment ils s'appellent, mais ils ont fait qu'un livre, okay. Qui est disponible en audio. Oh, parfait ça. Et c'est eux-mêmes qui narrent en anglais. Et c'est trop bien, ça donne tellement envie de créer, de partir, de juste. Like Brothers, est-ce que c'est voilà, ça? Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Okay. Exactement. Like Brothers. Tu crois pas si bien dire, tu vois. Et c'est trop inspirant, quoi. C'est vraiment, t'as juste envie ensuite de partir et faire un projet et appeler des potes et dire t'as une caméra, vas-y, viens, on fait. Et par exemple, leur premier court-métrage, ils ont fait ça, ils étaient très très jeunes. Ils ont fait un vieux plan séquence avec une mini DV sans personne, sans rien. Ils ont gagné un prix à Sundance. Pour leur court-métrage. C'est un peu la belle histoire de Calls aussi, parce que les gens. Sundance, font... ouais. Non, parce que les non. gens font des. Non, mais les gens pensent que c'est un truc que t'as fait à Beagle et qu'ensuite, du coup, ça a été chez Canal. Mais c'est pas le cas. Calls, tu l'as fait dans ton coin, sans ouais. Beagle, et après, c'est allé par Canal, oui, etc. Mais non, mais c'est important de le dire. C'est le fait de faire, quoi, tout simplement. T'as fait dans ton coin, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as pu tourner avec autant de gens. Et hey, Apple, le mec. Hey, quand même. Racheté par les States, putain. Regarde l'iPhone que j'ai, quoi. Je l'ai payé, hein. Je l'ai payé, ils m'ont donné rien, ils m'ont rien donné. Tout donc, le fric d'Apple qui est passé dans les casinos, c'est ça qui est. Timothée, toi, t'as quelqu'un comme ça qui t'inspirerait, un artiste Duplass ouais. aussi. Paul Thomas Anderson, à chaque fois que je regarde un film, j'ai envie de faire des films. Bah ouais. Et ouais, ces deux personnes. C'est déjà bien, ouais. C'est beaucoup, beaucoup. Et toi, Adrien? Mais moi, oui, mais là, c'est le trou noir, là, mental. Ah bon? Ouais, je suis sûr que. T'as envie de dégueuler, là? Non, non, mais tu sais, j'ai des, je sais pas, j'ai des trous noirs. Souvent, quand on me demande, tu vois, si on me dit, et t'écoutes quoi comme musique, je suis genre, je sais pas. Mais c'est plein de gens, ça, c'est plein de gens. Ouais, ouais, et là, je suis sûr que ça va me revenir. Mais tu sais, montrer comme ça des petits moments de, tu vois, je pense que les gens, ça les touche énormément. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. T'avais des complexes quand t'étais jeune? Comment? T'avais des complexes quand t'étais jeune? À toi de me dire. En me regardant comme ça, tu dirais quoi? Pardon. C'est un bruit. Ok, je suis un alien depuis le début, vous êtes dans mon vaisseau. Non mais, okay. Non, mais peut-être dis-toi Florent, mais peut-être que ça va me. Non mais. Bakri Jaoui. Bakri Jaoui. Dans l'écriture, dans l'écriture, dans le jeu, dans... et puis aussi dans le côté. Enfin, au bout d'un moment, ils ont dit bon, allez, c'est bon, là, on produit. Une... Enfin, ils ont pris les choses en main. Et c'est ce qu'on voit vachement dans le documentaire, en fait, où Bakri. Il a vraiment fait tomber toutes les contraintes qui le faisaient chier au cours de sa vie, quoi. Il dit bon bah vas-y là Agnès elle va réaliser parce que voilà et, vraiment prendre le contrôle et faire son œuvre comme tu le souhaites de A à Z. Oui. Comment il s'appelle le documentaire? Il s'appelle Jean-Pierre Bakri comme un air de famille. Il est en replay sur France 3. J'espère France qu'il est encore 2. À l'heure où on parle, mais il y a des chances. Ouais. Non, en plus ce que j'aime bien avec Bakri et Jaoui, c'est que En fait, moi, j'aime pas souvent. Enfin, j'aime pas. Il y a des fois, les gens vendent un espèce de truc de. En gros, il a réussi en envoyant chiant tout le monde, etc. Bah, Chris Jaoui, ce que j'aime bien, c'est que tu vois quand même qu'ils ont. Oui. Étape ils ont par fait étape. Des concessions. C'est pas quand dès même. Le début où ils font. En fait, on est des génies de l'écriture, niquez-vous. C'est, ils écrivent oui. pour Alain René. Ils font leurs pièces à côté. Quand ils font leur premier film sur Alain René, ils vont chercher Cédric Clapiche parce qu'ils se disent ok, c'est, on n'est pas encore prêt. Non, puis. Ouais, enfin, il avait ouais. pas, il avait pas du tout un côté genre oh là là mais personne n'est à la hauteur de mon talent. Il avait juste ouais. parce qu'il a justement dans le documentaire il dit moi j'accepte un rôle juste quand il me plaît et je me dis ah j'ai pas envie que quelqu'un d'autre le joue quoi. Mais donc il a accepté plein de rôles de pour d'autres gens et il était enfin tu vois il y a pas le côté, c'est pas du tout de, un truc d'ego de dire ah, je vais tout faire moi-même quoi. Ouais. C'est plus un truc de confort de genre je vais faire avec des gens que j'aime et puis ça va être plus simple et mieux quoi. Et puis ouais, puis bah aussi bien dans le jeu, l'écriture que puis aussi le l'éthique quoi. Ouais. Ouais, l'éthique quoi. Il était super quoi. Ouais. Notamment par exemple, il avait été casté pour un rôle où il devait jouer un homosexuel et le réal voulait. Bah, c'était mes meilleurs copains. Mes meilleurs copains ouais, et ouais. le réal voulait qu'il fasse vraiment la caricature qu'on a mm-hmm. vu 10 000 fois. Hyper maniéré et tout, et Bakri est un peu allé au conflit avec le mec en disant non, moi je veux, ça m'intéresse pas, je le fais pas comme ça quoi, je. Enfin, ça correspond pas aux personnes homosexuelles que je vois autour de moi, et puis c'est ridicule et tout. Et du coup, il l'a joué sobrement, et c'est d'autant. Enfin, il a eu. Ouais. Il a eu raison. Bah, raison, de fou. C'est ce qui fait que le film vieillit moins, en fait, tout bonnement, oui, voilà. quand tu regardes Mes Meilleurs Copains. Et d'ailleurs, l'autre truc qu'il a fait aussi, qui prouve que c'est sans concession, on vous dit toutes les scènes du docu, comme ça vous avez plus besoin de le montrer. Non, mais il y a. C'est quand il vend. En gros, ils font Cuisine et Dépendance, et genre, ça cartonne, mais un plus gros théâtre veut les prendre. Mais ils disent, par contre, si on vous prend, vous changez le casting. Vous gardez pas Sam Carman à l'époque. Et du coup, ils disent bah non, bah ce sera pas avec vous. En fait, c'est soit on l'a commencé avec Sam Carman. Donc si vous prenez pas Sam Carman, bah on le fait pas avec vous. Et je sais plus s'ils le font avec Classe. Ou pas du coup. Mais le fait est qu'ils ont gardé Sam Carman. Donc je sais pas s'ils l'ont fait dans un autre théâtre ou pas. Tu vas chercher ta nourriture ? Bah oui. Chers amis, c'est bientôt la fin de l'émission et j'aurais besoin de savoir. Je vous ai pas proposé avant, mais vos recommandations culturelles. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez apprécié culturellement parlant ? Ça peut être aussi bien du cinéma, de la télévision, du théâtre. De la télévision. Ah, ça fait un peu chier. Peut-être une imitation qui vous a plu récemment. Adrien, est-ce que tu as quelque chose en tête ? Oui, j'ai quelque chose. Il faut juste que je retrouve mes notes. Tu veux que je le fasse ? Je peux reprendre. Moi, j'ai quelque chose. Vas-y, vas-y. Eh bien moi je vais vous conseiller le film Nightmare Alley de Guillermo del Toro qui est sorti mercredi dernier que je crois a fait un énorme bide aux États-Unis ouais, alors que c'est vachement bien. Alors après moi je suis très fan de Guillermo del Toro mais justement je crois que c'est le premier Guillermo del Toro où il n'y a pas de monstre vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une créature fantastique ou quoi. Alors il y a une ambiance qui est complètement ce qu'il fait d'habitude. Ça se passe dans le monde des forains dans les années fin des années 30 avec des frics. Il y a un peu des mais pas vraiment en fait, c'est plutôt des arts je veux pas spoiler en gros le film donc je veux pas trop en dire. Mais c'est un film un peu en deux parties et la première partie va dans le monde des forains et après il y a un virage qui est vachement bien et moi j'ai adoré ce film et je me dis putain c'est dommage parce qu'il doit pas avoir une bonne promo à cause du fait que c'est vendu comme un film noir et c'est vrai que c'est pas un film où tu t'éclates de ouf et là on sent que dans les salles les gens ils ont besoin enfin tu vois ils vont voir Spider-Man quoi il y a un besoin de après les deux années qu'on a passées, il y a un besoin de voir du kiff et machin. Mais c'est pas un film noir, glauque, vénère et tout. C'est quand même un très beau film. Plastiquement, c'est un des. Je parlais de Last Night in Soho la dernière fois où je disais, bon, le scénario est pas extraordinaire, mais t'as des très belles images et ça me suffit. Bah là, il y a un peu ça aussi. Les images sont somptueuses, la photo est dingue. Tous les acteurs sont ouf. Bradley Cooper est phénoménal dans le film. Kate Blanchett, pareil. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'acteurs. Rooney Mara, super. Et alors, moi je trouve qu'il y a 2-3 trucs que tu devines un peu ce qui va se passer, mais en fait c'est tellement bien fait que tu y vas avec grand plaisir quoi. Il n'y a pas trop de soucis. Et il y a quand même 2-3 scènes, alors c'est un peu une expression de trou de balle, mais t'as 2-3 scènes waouh, où quand tu finis la scène, tu fais oh putain, avec des vrais trucs de. Zinoche. Ouais, voilà, vraiment de. Non seulement c'est beau, mais en plus c'est. Là il se passe un vrai truc et machin. Ça peut vous plaire, les gars, vous deux, Timothée et Lucas, je pense que ça peut vous plaire. Et alors ça dure 2h25. Mais moi je trouve que c'est passé comme une lettre à la poste. Alors que je suis un peu relou sur les durées de films, mais j'ai regardé un peu sur Letterboxd. Je suis sur Letterboxd d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Florent Bernard sur Letterboxd, Flo Bernard je crois même. Et tout le monde se plaint de la durée. Et je sais pas, moi c'est passé comme une lettre à la poste quoi. J'ai trouvé ça ultra fluide. Et voilà, c'est vachement bien. Et en fait, tu sens qu'en plus, alors je veux pas faire de l'analyse de pacotille, mais tu sens que Del Toro parle un peu de lui aussi, parce que c'est l'art forain. Donc tu sens qu'il parle un peu du cinéma à travers ça. Et c'est un peu une grande fable, un peu dark. Il y a des effets, voilà, trigger warning. C'est un peu violent des fois. Il y a des effets, il y a des transitions et tout ça. Genre, il y a des transitions, des fondus enchaînés. Il y a des fondus, il y a pas des fondus enchaînés, mais il y a un truc très à l'ancienne. Il y a des noirs ronds. Genre ça finit en cercle sur un visage des fois, donc tu joues un peu étrange, mais ça va avec le ton du film. Okay. Et donc Nightmare Alley, si c'est près de chez vous, vraiment je vous le conseille. T'avais vu la saison d'American Horror Story qui se passe pareil, qui s'appelle Freaks? Ah non, je l'ai pas vu. Okay. Non. Parce que visuellement ça me faisait penser à ça et du coup j'avais un petit truc de j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Ouais. Mais je vais aller le voir de toute mais façon. Mais tu vois, il y a pas de Freaks vraiment, alors c'est pas vraiment un spoil, il y a juste un mec très poilu mais qui est pas un vrai perso qui passe sur c'est le plus... nez, sur le nez. Non. Non, sur tout le visage. Et non, t'inquiète, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas toi, t'es pas un Freaks, Tim. Freaks, t'es un humain. Tim, t'es un humain. Non, justement, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en gros c'est des forains, mais où tu montres les trucs des forains. Tu les présentes pas comme des gens chelous. Ils les présentent vraiment comme des artisans du rêve et du fantastique. Okay. En disant bah, comment c'est ils font, vrai. Quoi. Donc, non, c'est en ça où c'est surprenant de la part de Del Toro. Mais quand même, t'as une ambiance, t'as des trucs un peu chelous. Mais vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Okay. C'est un super film. Je suis sorti trop content et j'y pense en boucle. Je l'ai vu dimanche. Je suis en boucle dessus depuis que je l'ai vu. Et vraiment, je pense que je n'ai pas le temps d'aller le revoir parce que je vous rappelle que enfant en bas âge. Mais j'ai trop hâte de le revoir parce que c'était vachement bien. Adrien, est-ce que tu as retrouvé tes recommandations? Oui. Alors, j'ai un jeu mobile qui... Alors, j'avais recommandé... Ça s'appelle Casino Extreme. C'est ça. Je sais pas si c'est ça t'intéresse. Top. En plus, impossible de se faire bannir, donc... c'est top. Non, j'avais recommandé il y a longtemps un jeu qui s'appelle Card Crawl. Et là, c'est un jeu qui s'appelle Krumit's Tale, K-R-U M-I-T apostrophe S Tale, T-A-L-E. Et c'est assez c'est un jeu de où tu enfin un deck building game où t'as des cartes et tout, et puis il y a ah, deck sorte, pardon oui okay. Ouais, il y a une sorte d'échiquier où il y a des ennemis, des objets, et puis toi tu sélectionnes les trucs que tu prends, les sorts que tu utilises, et puis tu gagnes des compétences et tu progresses, etc. Donc c'est un peu la version plus poussée de Card Scroll, parce que Card Scroll c'est vraiment un jeu, tu joues, tu fais une partie comme ça de temps en temps et c'est cool. Là il y a vraiment possibilité de progresser, c'est un roguelike en fait, donc c'est-à-dire plus tu en fait t'avances dans le jeu, quand tu meurs tu gagnes de l'expérience qui fait que ta partie suivante t'auras des avantages par rapport à ta partie précédente, okay. etc. Okay. Donc il est assez cool, voilà. C'est sur téléphone. Ouais, sur iOS. Fais bien de préciser. Et sinon, beaucoup de gens connaissent, je pense, mais c'est Tommy Cardi. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Ah, aussi. J'adore. Tommy T-O-M-Y Cardi C-R-D-I. Un mec qui fait des chansons sur TikTok et sur Insta et qui est hyper drôle. C'est trop marrant, quoi, ces chansons. Mais... C'est quoi comme Tommy Cardi. Ouais, T-O-M-Y, C-A-R-D-I. Okay. Et TikTok. Et TikTok, ouais. Et il a sorti un album aussi. Mais bon, après, faut voir les vidéos. J'ai pas. Mais c'est l'album, c'est l'album des chansons d'Insta. Enfin, Il fait des chansons vraiment sur des thèmes à chaque fois très cons. Genre, là, une des dernières qu'il a fait, c'est. quelqu'un. Alors, c'est dans le contexte de quelqu'un qui est en train de faire du camping avec quelqu'un d'autre. Et il lui dit tu m'avais dit que c'était une tente de place. En fait, c'est clairement une place que t'as achetée. Et vraiment, c'est juste c'est ça les paroles, quoi. Et il dit oui, c'est vrai que des fois, sur le visuel, on croit que c'est. Ils mettent deux personnes, mais en fait, c'est vraiment une tente, une place. Enfin, et instrumentalement parlant, c'est vachement oui, bien. En plus, c'est très il fait tout seul et tout. C'est trop marrant. Il est trop marrant. Voilà. Tom Cardi. Exactement. Tommy Cardi, pardon. Timothée. Alors, il y a un film qui est actuellement au cinéma, je crois. C'est Mes frères et moi. D'accord. Qui est de Johan Mocha. Je vais regarder. Vas-y. Huch. Il y a quelqu'un qui pénètre dans le bâtiment. Ouais, ouais, ouais. Ok. Un cambrioleur, mais faites pas de soucis. Pas de soucis. De force. Qui est un film que moi j'ai adoré, que je vraiment en film français, ça fait longtemps que j'avais pas pris une claque comme ça. C'est en fait quand tu le pitches, on dirait un film social basique où c'est déjà enfin une famille de frères dans une cité qui et il y a le petit qui s'inscrit à des cours de chant. Ok. Du coup voilà, tu peux vraiment sonner les violons et tout ça, et c'est vraiment sonner les violons, ça ne veut rien dire. Tourner les violons. Voilà. Ouais. C'est mais en fait, Jean Goldman en tout cas. Mais... Mais en fait, c'est magnifique, quoi. Et c'est tellement bien interprété, c'est tellement beau. Et il y a tout qui... Moi, tout m'a plu. J'ai passé un moment superbe. Délicieux. J'avais l'impression de vraiment vivre un moment avec la salle. Ce truc de tu vis un moment de vie. Ça se passe pendant un été. Et voilà, donc il y a ce film au cinéma. Et aussi, il y a un film, je viens d'y repenser là, mais qui est... que j'ai adoré, qui s'appelle Waves, produit par A24. Ok. Qui est, enfin voilà, ça pour le coup on peut le trouver. Je ne sais plus où, mais c'est pareil, c'est magnifique. Il y a un petit ton Euphoria dans l'image, dans le, tu sens, il y a même une actrice d'Euphoria, celle qui joue Maddy. Et c'est trop beau, ça. C'est disponible en VOD, en tout cas. C'est partout. Disponible en VOD. Bah, achetez en VOD. Ouais, ouais. Ce film, et regardez-le, ça dure un peu plus de 2 heures, je crois. Alors, ça parle de quoi le film ? Je t'ai coupé, pardon. Ça suit plusieurs personnages, mais le personnage principal, c'est un jeune qui est dans le sport et qui va tout faire pour réussir, qui va se muscler de ouf, et son père lui fout une pression monstre pour réussir. Et en fait, je peux même pas décrire ce film sans spoiler. Du coup, je vais pas trop en dire, mais en gros, à partir de la moitié du film, le film t'emporte dans un truc où tu t'y attends pas du tout. D'accord. Et en fait, ça devient à la base un truc un peu Euphoria, mais dans le côté cool, juste fun, lycée, avec genre tu dragues une meuf et tout. Et en fait, ça vrille dans quelque chose. Ouais. C'est incroyable. Et donc, c'est Waves. Très très beau, très très beau. Super, ouais, c'est disponible à la demande un peu partout. Waves de Trey Edward Schultz. Ouais. Lucas. Oui, moi, la bande dessinée de Pénélope Bagieu qui s'appelle Les Strates. D'accord. Que j'ai lu, que j'ai trouvé vraiment super. Enfin, elle est trop forte. Ah, voilà. elle était venue pas nous en parler, mais elle était en train de le finaliser, je crois. Ou alors, ça allait être édité, je crois. Ouais. Quand elle était venue nous en parler. Bah voilà, ça c'était top. Je le conseille. Je sais pas vendre les trucs, mais c'est un truc un peu autobiographique, c'est ça. Il y a des trucs très touchants et tout. C'est première fois que j'ai ressenti autant d'émotions en lisant une BD, donc je trouve ça trop bien. Ah, trop bien. Et j'en vis très peu des émotions, croyez-moi. je suis fade. Mais c'est vrai que t'es froid, quoi. Et glacial. Pas un super glacial. Et sinon, il y a La Maison sur Netflix qui est 3 courts-métrages en stop-motion, genre un peu comme le style Fantastic Mr. Fox. Non, pardon. Oui, parce que c'est moins de la pâte à modeler, c'est plus. J'ai essayé de. Et c'est 3 courts-métrages sur une même maison, mais c'est 3 trucs très différents. J'ai beaucoup aimé le premier, les deux autres sont très bien aussi. Mais c'est pas un peu glauque, c'est stylé. Ouais, un peu. Le premier est très horreur. Ouais. Et l'autre aussi, et mais un peu moins. Également. Et le troisième, je trouvais qu'il était plus beau. Ouais. Mais voilà. Et sinon, on parlait de Euphoria, mais j'ai vu il y a pas longtemps un film qu'il a fait, le réalisateur Sam Levinson, là, qui s'appelle Assassination Nation. Et c'est trop bizarre, on dirait vraiment. Oui, un film d'action décélébré sur le papier. Non, en fait, quand tu le regardes, on dirait juste c'est Euphoria, quoi. Ah, avant oui, l'heure, quoi, en fait. Ça parle d'un lycée, de trucs, de dérives, de sextape ou de trucs de meufs qui se mettent nus sur internet, tout ça, par choix. Que l'affiche faisait très film d'action. En fait, c'est des meufs avec des katanas. Mais en fait, après, ça dégénère et tout. L'affiche française, regarde, c'est vraiment. Je trouve que vous l'avez bien cherché, Assassination Nation, et c'est des meufs avec des katanas et des flingues. Pour moi, c'est la Casa des Papels, ça. Ouais. On est d'accord qu'ils l'ont vendu très étrangement. Oui, effectivement, j'avais pas vu l'affiche. Ouais, tu vois, c'est pour ça. Mais ouais, je trouve ça très cool. Ça cool. Bah, je trouvais ça intéressant de voir ce truc si t'as aimé Euphoria, quoi. Ouais. Parce que vraiment, il y avait quasiment tout, mais c'est juste beaucoup plus hardcore, abusé, effectivement. Virginie c'est beaucoup plus Euphoria. Violent, quoi. Oh, si, bah Virginie oui. Euphoria, j'ai dit. Pas mal. Euphoria chiasse. Bon. Bien. Mais chiasse partout. C'est juste... Chaque fois. Tim, donc toi tu l'as dit, c'est le sketch show. Ouais, j'ai dit ouais. Sketch show coécrit par tous. Sketch voilà, show et qui s'appelle. On n'a pas le droit de le dire. Okay, non, gardons-le. Mais les gens seront contents quand ils l'apprendront. Oui. Ouais. Et Stéphane. Et Stéphane, du coup, ouais, qui va être dans différents festivals normalement de films. Bah ouais, genre. On espère. Enfin, vous le présenter on en tout cas. Ouais, voilà. On va le présenter, on va croiser les doigts et voir ce qui se passe cette année. Bah on l'espère. Voilà. Écoute, on a soif de cinéma, tu sais. Les ragas. Lucas, donc oui, Stéphane. Ouais. Et le sketch show. En fait, on a tous le sketch show sur la table. Chose. Tu as autre chose aussi. Vous continuez la vie douce ou est-ce que vous la avez moins douce, le temps? Ouais. Ouais. J'ai tourné un épisode il y a pas très longtemps là. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça continue. Trop c'est bien. Toujours très doux, toujours super. Toujours la vie. Ils sont très forts et bah adorables. Ils sont très très forts. Quoi Adrien, le sketch show. Le sketch show. De Mr. V, février. Voilà, et puis une petite apparition dans Les Vedettes qui sort le 16 février 2022, le prochain film. Le Palma Show. Le ouais. Palma Show qu'on reçoit dans la semaine prochaine. Bah je vous le dis, c'est la semaine bien, prochaine. Bien, et puis j'ai une bonne dégaine de partouzeur. Dans la vie, ouais, ouais. Dans la vie, oui, mais ouais. Film, un peu moins dans le film, mais quand même pas moins. Non, ouais, voilà. Bon, après, faut, c'est une petite apparition, hein, mais. Mais elle est plaisante. Mais voilà, ouais. J'espère. Tu reçois des messages déjà, parce qu'il y a en première. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui me disent qu'ils m'ont vu, ça fait plaisir. Alors. Mais bon, voilà. T'allais dire un truc, Lucas? Oui, je voulais préciser, je sais pas si je l'ai précisé, je ne remplace pas Huguette dans le film, c'est mon ménage. Je joue Huguette jeune. Ah oui, bah, et tu la joues avec la voix de vieille pourtant. Là, on l'a bien fait là. Là, on l'a bien fait. Pas mal. Merci tout le monde, à très bientôt. Merci. Bisous. Ouais, ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.